Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où l'on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 49, enregistré le 22 avril 2019. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast. Mais je ne suis pas seul, car pour m'accompagner, j'ai mon fidèle compatriote, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien. Ben, je suis très content de le savoir. C'est intéressant, hein. Non, mais c'est vrai, c'est toujours sympa. Non, mais je sais que t'es à fond dans Assassin's Creed en ce moment, t'es dans ta période. Bah oui, malheureusement, c'est le seul, oui. Seul truc bénéfique de l'incendie de Notre-Dame, en fait. Oui, sinon, je pense que j'aurais jamais connu. C'est bien qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. Ça fait voilà. C'est ça. Ouais, non mais c'est vrai, je me suis la secte Assassin's Creed. Et du coup, bah, la deuxième voix que vous avez entendue, c'est notre invité habituel, Adrien. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est les vacances, c'est le bonheur. C'est les vacances, c'est la fin des vacances plutôt. Ah bah pas chez nous, ah, mon garçon. Ça a commencé lundi dernier. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, du coup. Enfin, je dis ça, on disait en off qu'il allait y avoir un fight dans le podcast, mais en fait, Adrien, il a normalement, il devrait être plus gentil avec moi parce que je suis plus gentil que les animaux fantastiques. Ok, c'est un échange de bons procédés, en fait. Tant que c'est pas dû au micro, moi, j'y crois pas. Ok, alors, du coup... Ça commence bien. Très bien. Donc on a un petit programme, du coup on va parler des films du mois de mars. On va avoir une sélec où on va parler de Captain Marvel, Us, John F. Donovan et un rattrapage pour moi sur Green Book, et Adrien parlera aussi un peu de Green Book puisqu'il l'a vu aussi. Ensuite, le film du mois, on a choisi de parler de Dumbo de Tim Burton, un film qu'on attendait, on n'attendait pas, on verra ça plus tard. Et ensuite, ce sera la dernière rubrique avec la Minute Nerd, et cette fois-ci, c'est à Eddy de la faire, voilà. Exact. Tu nous as concocté quelque chose, je ne sais pas, personne ne sait, et on verra ça le moment venu, voilà. Tout a été dit, Morgane n'a pas... plus de PC, voilà, comme ça c'est dit. On essaye de résoudre le problème de façon... Ce qui pourrait enregistrer n'est pas... Morgane est virtuellement mort, en fait. Voilà, c'est ça. On essaye de résoudre mais le problème la vie, de façon interne. Mais non, oui, c'est ça. Mais bon, on sait jamais si un auditeur a un PC en trop qui traîne dans son garage, on n'est pas contre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et même un peu d'argent, hein, même un peu d'argent de toute façon. Oui, voilà, un peu d'argent. Hein. Non, mais voilà, on n'est pas contre. Voilà, donc comme ça, vous savez, Morgane, malheureusement, pour l'instant, il ne peut pas enregistrer. On essaye de trouver une solution la plus rapidement possible, mais voilà, comme ça, vous savez où il est. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Il va aller à TPMP demain, donc voilà. Dans une semaine, il me semble. Donc, Non, c'est demain. Demain, c'est bah, regardez la... c'est demain. Ouais. Si vous voyez la télé, vous le verrez sûrement devant. Voilà. Mais vous forcez pas à zapper sur TPMP pour ça. Oui, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Laissez-le tranquille. Ok. Voilà, donc tout est dit et on va passer tout de suite à la Select. C'est parti. On est à la première rubrique de ce podcast et moi je vais vous parler de Green Book, un film du coup qui a reçu l'Oscar du meilleur film en janvier-février, je sais plus quand ça se passe les Oscars, je suis totalement en dehors de la boucle mais c'est pas grave. C'est février les Oscars ? Oui c'était février. Oh, de toute façon tout le monde s'en fout les Oscars. Voilà, tout le monde s'en fout, c'est bien mon sentiment face aux Oscars mais bon voilà. Moi je l'ai vu parce que c'était un film qui me tentait quand même en dehors du fait qu'il a gagné l'Oscar, je savais même pas qu'il avait gagné l'Oscar quand je suis allé le voir, donc c'est à vous dire à quel point j'étais en dehors de la chose. Donc c'est un film réalisé par Peter Farrelly. Le premier film qu'il fait sans son frère Bobby Farrelly, du coup c'est les frères Farrelly voilà, qui sont responsables notamment de Marie à tout prix, Food Irene, Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, le meilleur, hein, on va pas se cacher. L'amour extra large, les moins bons. Voilà. Ah oui. Marie à tout prix, j'avais trouvé ça drôle. Oh, c'était Marie bien, à Marie à tout prix. Ouais, Marie à tout prix, c'est très bien. c'était très bien. Voilà, donc premier film sans son frère, un film biographique. C'est un peu en débat. Adrien m'en parlait justement. Moi, j'étais pas trop au courant de l'histoire derrière, mais que apparemment la personne qui est jouée par Mahershala Ali, donc qui est Don Shirley, qui est un pianiste américain dans les années 60, cette personne qui existe en vrai n'a pas donné son accord pour qu'on fasse le film. Ouais, c'est voilà. Ouais. Ouais, sa famille n'a pas donné son accord. Ouais. Voilà. Disons que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait c'est simplement ce dont je me souviens, mais là j'essaie d'avoir le truc sous les yeux, mais évidemment je l'ai pas parce que j'ai pas senti le lien. Oui, non, mais désolé, mais qu'en gros, effectivement, il y a eu un débat au moment de la sortie du film, au moment de lecture de scénario, je sais plus très bien, où effectivement le beau rôle serait donné au personnage blanc qui est montré moins raciste et plus consensuel qu'il ne l'était. Et à côté, c'est vrai que le rôle du personnage noir, alors qu'il est supposé être au centre du film, paraît plus réservé et plus caricatural. C'est ce qui a fait débat au moment de la sortie du film, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est pas... Oui, c'est polémique à deux balles, quoi, encore. Moi personnellement, je suis pas sûr, mais... Bon, vas-y. Personnellement, quand j'ai vu le film, je ne savais pas tout ça, et j'ai juste profité du film, et je le trouvais très bien, personnellement. En même temps, est-ce que t'as vraiment besoin de savoir tout ça pour voir le film? Non, t'as pas besoin de savoir tout ça. En plus, je savais même pas que c'était une histoire vraie jusqu'à la fin. Ou alors, au début, peut-être qu'ils disent que c'est une histoire vraie. Oui, c'est dit au début, je crois, oui. Ouais, bon, voilà. Je savais pas avant de voir le film que c'était une histoire vraie. Et du coup, voilà, c'est un film avec Viggo Mortensen, donc dans le rôle dans un des Aragorn. Rôles principaux. Voilà, Aragorn pour les plus geeks d'entre nous. Mais ça se voit sur son visage que ça commence à remonter un peu, Aragorn. Ah oui, ouais. Ah, ça commence, oui. Voilà, déjà dans Captain Fantastic, moi, il m'avait. Ouais, c'est... Ça m'avait pas. J'avais, oui. On le voyait aussi, ouais. Voilà, c'est ça. On le voyait dans Captain Fantastic. Oh, les petits cons, putain, dans 20 ans, prends-moi les malins. C'est ça. Il joue le rôle de Tony Vallelonga ou Tony Lip, qui est le chauffeur et garde du corps, du coup, de ce pianiste noir qui doit aller faire une tournée dans le sud des États-Unis. Donc, même aujourd'hui, enfin, c'est un euphémisme de dire que même aujourd'hui, dans le sud et même un peu partout, il y a encore du racisme. C'est clair. Dans le sud des États-Unis, c'est encore plus le cas. Et dans les années 60, on était dans la période de guerre civile, etc. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. C'était la bonne époque, quoi. C'était simple. Ouais, on rigolait bien déjà aux États-Unis à l'époque. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. En fait, ils se servent d'un livre qui s'appelle The Negro Motorist Green Book, en fait. Et c'est là où ce bouquin était. C'est un vrai bouquin qui a été écrit par je sais plus qui et du coup en fait il indique les hôtels qui sont autorisés aux noirs dans le sud des États-Unis, enfin même partout dans aux États-Unis, mais principalement au sud, quoi. Et parce qu'il y a bien sûr la ségrégation, toutes ces choses très drôles, mais voilà, le film je trouve ne se bat, enfin bien sûr il y a tout cet aspect qui est très qui est bien évoqué et qui est je trouve assez bien fait dans l'ensemble. Il y a peut-être quelques erreurs, voilà, il y a quelques petites lourdeurs sur certaines choses qui sont peut-être pas trop de bon goût, voilà, comment dire, mais je trouve que finalement on s'y attarde pas trop, heureusement, et que l'ensemble du film est plutôt drôle et plutôt et aussi très émotionnel. Franchement, moi j'ai pleuré à la fin, je veux pas le dire, mais la fin m'a vraiment ému, et pourtant c'est pas non plus une scène très, enfin il y a rien de dramatique qui se passe, oui, c'est pas Titanic, voilà. Quoi, on peut le dire. Non c'est clairement pas, voilà, mais je trouve que c'est une belle histoire d'amitié. Moi je pleure pas devant Titanic, pas du tout. Pas du tout. non mais du coup je trouve que c'est une très belle histoire d'amitié, en fait, même si c'est pas forcément comme ça s'était passé dans la vraie vie, etc. Moi je m'intéresse vraiment au film, et pour moi le film en tant que tel Je trouve que l'histoire racontée, l'amitié entre les deux personnages principaux, moi, m'a beaucoup plu, m'a beaucoup touché, en fait. Voilà, ça fonctionne. Les dialogues sont très bien écrits, je trouve, qu'il y a pas mal d'échanges entre les deux, où l'un fait découvrir le monde de l'autre. Enfin, voilà, bon, il y a des trucs un peu clichés, voilà, un qui écoute certains types de musique, etc., qui fait découvrir à l'autre. Enfin voilà, il y a des scènes clichés, je dis pas le contraire. Mais après ça c'est pareil, c'est que quand tu vois des trucs comme ça aujourd'hui, c'est d'instinct t'as envie de te dire ouais, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus, c'est pas très original, c'est pas pour autant que c'est pas bien. Oui, non, c'est clair, hein. C'est vrai, je trouve pas le problème du film, de toute façon. Je trouve qu'il y a une tendance à rejeter un peu les procédés comme ça qui ont déjà fait leur preuve, alors que, enfin techniquement si ça marche, pourquoi ne pas le réutiliser quoi. Dans le film, dans l'ambiance, ça fonctionne. C'est juste en analysant après avoir vu le film, on se rend compte que on peut se rendre compte qu'on a déjà vu ça, mais je trouve que dans le film tout se passe très bien, le rythme est très très bien géré, on s'ennuie pas vraiment à un seul moment, et il y a des bons rebondissements, et voilà, moi j'ai passé un très très bon moment devant ce film, je vous le conseille s'il passe encore, puisque comme il a été il a eu l'Oscar, il est repassé en salle, et c'est à cette occasion que j'ai pu le voir du coup. C'est l'avantage des Oscars. Non mais c'est vrai, c'est que ça redonne de la visibilité à certains films. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et voilà, moi je vous le conseille en tout cas, si vous voulez voir un buddy comedy un peu qui est pas non plus trop sur la qui gère bien l'aspect comique, l'aspect émotion, l'aspect réalité, violence un peu de tout ce monde-là, et qui sait bien gérer, qui sait bien doser tout ça. Voilà. Adrien, du coup, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, alors simplement, je te rigolais d'avance, mais je vais pas dire d'horreur du tout parce que j'ai pas trouvé ça désagréable du tout. C'est simplement mon problème. Je suis pas ordinairement un ayatollah de la fidélité dans les adaptations, que ce soit au livre ou en l'occurrence à la réalité. Mais là, le problème, c'est que le film veut prôner un message universel antiraciste, en tout cas, c'est ce qu'il montre. Et la place qu'il accorde par rapport à la réalité aux personnages blancs et aux personnages noirs, et cette espèce de dynamique qu'il installe pendant le film, donne quand même le beau rôle in fine aux personnages blancs. Il y a quelques scènes douteuses quand même, j'en parlais avec toi en off avant, cette espèce de séquence bizarre où le personnage blanc apprend au personnage noir à manger du poulet frit et le personnage noir trouve ça super bon parce qu'il n'en a jamais mangé. Si tu veux, on peut pas dire que ce soit raciste frontalement, mais il y a quand une petite problématique de... C'est que c'est pas très fin, quoi. Il y a des choses un peu douteuses. Voilà, c'est ça. Ça va un peu plus loin que pas fin. Pour moi, c'est qu'il y a des choses un peu douteuses dans le film. Et disons que le fait que le film soit produit par le descendant de Villalonga, donc du personnage blanc, et que par ailleurs, il n'est pas été approuvé, même été désapprouvé par la famille de ce musicien noir qui comment il s'appelle, rappelle-moi, Don Shirley, voilà, c'est ça, pose quand même pour moi question. De là à dire que c'est raciste, déjà c'est sans doute pas à moi de le dire, mais disons que je peux comprendre ce qui en a été dit, et notamment la colère de Spike Lee au moment où le film a été récompensé en face de Black Longsman et d'autres films. C'est assez étrange de donner autant de visibilité et autant d'affection et autant de pertinence politique à un film qui finalement est quand même fait et écrit par une équipe blanche au détriment des principaux concernés du film que sont les Afro-Américains. Après, d'un point de vue cinématographique, c'est tout à fait bien fait, il n'y a pas de souci, c'est assez bien réalisé, c'est très joli si j'ose dire. Et puis musicalement aussi. Musicalement c'est très bien, c'est dynamique. Et surtout c'est très drôle. C'est-à-dire que les séquences, quand on enlève les séquences douteuses, je trouve que le personnage de Villalonga, bon, malgré ce que ça a de problématique de le rendre sympathique, alors que visiblement il était beaucoup plus outrancièrement raciste que ce qu'on nous montre, le personnage qui en est fait avec Viggo Mortensen, que j'aime pas du tout, hein, habituellement, moi j'ai beaucoup de mal avec Mortensen, là je trouve qu'il était plutôt très bon. Marshall Ali, incroyable, c'est l'interprétation, il n'y a vraiment rien à dire, l'interprétation est sensationnelle. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que en sortant avec un ami, on était un petit peu étonné par ses choix, et le fait de voir la famille de Villalonga au générique nous a un peu conforté dans ce qu'on pouvait penser du film. Après, oui, il est tout à fait en tant que divertissement sympathique, il est tout à fait recommandable, mais on peut se demander sur ce thème-là par ailleurs, est-ce que c'était bien pertinent de faire un film à ce point qui est. C'est pas tant une délicatesse qu'une manière de pas y toucher qui est peut-être dérangeante aussi, quoi. C'est-à-dire que pour un film qui se passe, comme tu l'as dit, pendant la période de la ségrégation et tout ça, évidemment qu'on ne demande pas de montrer des mutilations en gros plan, machin, ça n'aura aucun sens, ça serait du voyeurisme, hein. Ouais. Mais disons qu'il y a peut-être dans, une... On n'est pas dans 12 Years a Slave. Absolument, ah, mais disons qu'il y avait peut-être une limite entre le fait de... Une espèce de zone grise entre le fait de ne rien montrer, comme je trouve le film fait, ou en tout cas très peu, ou tout montrer, même si le film montre un peu, hein, je dis pas qu'il montre rien. Oui, mais non, là, je trouve que c'est un petit peu sublimé, et que finalement, ils ont presque fait en sorte que ce soit pas le sujet du film, or c'est quand même le sujet du film, quoi. Mais j'ai, voilà. j'ai pas vu Green Book, mais je sais que le seul film jusqu'à présent qui a réussi à me... que je trouve assez juste sur ce sujet-là, même si ça parle d'une époque plus antérieure, c'est La Couleur Pourpre de Spielberg. Je trouve qu'il gère assez bien justement le côté très académique que Spielberg sait faire, mais sait faire bien, je trouve, et tout en éludant pas du tout le message. C'est jamais au détriment du personnage de Whoopi Goldberg, par exemple. Voilà, c'est ça. Alors que Green Book a un petit peu, et c'est ce qui s'est perçu dans l'accueil fait par la famille du concerné, passe un petit peu sous Après, silence. Spielberg, ce il a pour lui que même, dans les deux camps, il y a des salauds aussi. Donc, il y a des personnages noirs qui sont absolument horribles. Voilà, tandis que là, en l'occurrence, c'est disons que les lignes sont clairement et parfois un peu lourdement d'ailleurs tranchées. Ouais. Mais que le problème, c'est de faire de Villain Longa un personnage extrêmement positif comme c'est fait. Compte tenu de ce qu'il était visiblement dans la réalité, c'est problématique. Oui, bah c'est un peu comme P.T. Barnum dans Greatest Showman. C'est exactement quoi. Ça, c'est exactement le même en problème. Faire et c'est exactement en faire ce qui un a été reproché. Alors qu'au fait, c'était juste un opportuniste. Alors oui, là, Olivier Longa n'est pas un saint, on ne peut pas dire ça. Il y a au début du film, on voit bien qu'il est raciste, mais à la fin, ils en font un espèce quand même de type qui est devenu très sympa, qui accueille Marshall Ali à bras ouverts, bienvenue dans ma famille, même si elle est raciste, machin. Bon, de là à dire que c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est pas vraiment ça, mais il y a quand même quelque il y a quand même quelque chose dû à la fin du film. Jacob, à la fin du film, j'ai un peu perçu du, il y a un racisme acceptable parce qu'il est pas méchant et un racisme pas acceptable. Je trouve qu'il y a au moins, c'est au moins un peu maladroit. Disons. Je pense pas que faire élire raciste, tu vois, c'est ça le truc que je veux dire. Encore une fois, tout ça, c'est subjectif. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est et je pense pas du tout que faire élire la portée du film auprès des gens sera la même. Quoi. Ouais, c'est ça. Auprès d'un public lambda, finalement, est-ce que ça va résonner pareil ? Voilà, c'est le problème. Au final, est-ce que le film sera quand même pas bénéfique malgré lui ? Oui, tout à fait. C'est un film qui permet quand même de dire que ce racisme outrancier n'est pas positif. Mais disons que ça. Je trouve que c'est accepter une autre forme, je trouve, qui est pour moi un peu problématique. Mais bon, voilà, c'est une analyse comme ça. Et après, c'est peut-être pas parce que le film le montre que ça montre que c'est acceptable aussi. Une certaine forme de racisme qui pourrait paraître plus acceptable, il dit pas forcément que c'est. Disons qu'il est pas outrance, il est pas vraiment dénoncé, quoi. J'ai pas le sentiment qu'il soit dénoncé. Mais... J'ai plus le sentiment qu'il soit un peu. Bon, allez, c'est moins grave que quand il se fait taper dans un bar, tu vois. C'est un peu ce que le film montre quand même. C'est évidemment, je pense que Farrelly est pas raciste, encore une fois, et rien dans sa filmographie ne permet de dire ça. Mais est-ce qu'il connaît vraiment ces sujets-là ? Est-ce que c'était vraiment lui le mieux placé pour faire cette histoire ? Je suis pas complètement convaincu. Oui, ouais, non, ça, d'accord. Ouais, oui, voilà. Et d'autant plus que moi, je vois pas la patte de Farrelly une seule fois. Je veux dire, c'est un peu drôle, mais voilà, enfin, je vois pas tellement le rapport avec tous ces autres films, ce qui fait que ça fait un peu film de commande et film un peu pour s'offrir une respectabilité hollywoodienne, tu vois. C'est ça. C'est vrai. Et voilà, c'est un peu le problème du film. Mais voilà, oui, je peux pas dire que je le recommande pas non plus. Hein. C'est tout à fait sympathique et rigolo. Non, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Et ouais, c'est voilà. C'est, chacun y voit ce qu'il voit, c'est ça. Et puis on verra bien. Mais en tout cas, c'est pas non plus le meilleur film qui a été fait sur le sujet. Clairement. Oui, clairement. Mais c'est pas non plus le pire film qui a été fait. Oui, évidemment, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Relativisons. Voilà, c'est Absolument. pas d'absolu ce soir. Exactement. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant. Ça va pas tarder, j'ai l'impression. On va passer à un autre film. Un autre film. Alors, plus gros budget, plus gros spectacle. Captain Marvel. Ah ouais, ok, d'accord. Gros budget. Alors, c'est important de souligner plus gros budget parce que c'est pas forcément flagrant. Voilà. C'est peut-être pas flagrant à l'écran. J'ai même pas besoin de rien dire. Déjà, Eddie commence. Alors, c'est bon. Mais tu vois, comme quoi, je sais être objectif aussi. Bon, alors, sur les absolus, bon, je vais déroger à la règle que j'ai posée il y a 5 secondes. Je préviens tout de suite. Mais au pire, si tu veux, Adrien, vas-y. Parle-en en premier. Non, vas-y, je t'en prie. J'ai de la positivité avant, c'est mieux parce que comme ça m'adoucit. trouve que c'est toujours plus sympa de finir sur une note plus positive. Bon, bah alors attends, parce qu'il faut juste que je ressorte mes notes. Ah oui. Ouais. Du coup, Captain Marvel, toi, tu en as fait une critique, Eddie, sur le site. L'immeuble. Exact. Au cas où, si les gens veulent savoir. Critique illustrée, hein, bien voilà. Sûr, comme toujours. Bah oui, hein. Bah comme d'habitude. C'est hein, toi qui as fait les dessins. Bien sûr. C'est lui qui a fait les photos sur le tableau. Putain, qu'est-ce que je raconte sur non, le c'est vrai que tournage. Je mets un point d'honneur à avoir des critiques agréables à lire sur Movies oui. Nerd. Oui, c'est vrai. C'est appréciable d'ailleurs. Et donc, de toute façon, j'invite les. J'ai d'ailleurs assez fait chier Axel pour retrouver l'ancien traitement de texte parce que moi, les blogs, j'y arrive pas. Oui, ouais, non, mais oui. Là, pour ceux qui. Ouais. Ceux qui savent, qui connaissent WordPress, WordPress a complètement changé récemment et du coup le traitement texte était pas terrible. D'ailleurs moi au début j'étais content, je trouvais ça sympa, mais finalement à l'utilisation je trouve vraiment pas pratique. Instinctif du tout, hein. Donc, c'est pas clair leur truc ouais, là. Hein. Donc j'ai repassé tout le monde sur l'éditeur classique comme ça, il y a plus y a problème. Pas de, comment ça fonctionne, etc. Voilà. Vas-y Adrien, je t'en prie. Oui, sur Captain alors, Marvel. Bah, disons que comme pour Black Panther, c'est un objet, je pense, politique tout à fait fondamental, mais pas comme Black Panther, c'est un objet cinématographique un peu lamentable quand même quoi. C'est-à-dire que je vais commencer par le négatif et puis je vais faire comme il dit, je vais finir par le positif. Bon, cinématographiquement, il y a quand même d'immenses soucis quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà dit ça dans une analyse que je reprends là allègrement, que j'ai carrément sous les yeux, c'est que moi j'ai tendance à me dire quand je vois un Marvel que bon, ça a jamais été des Rolls-Royce techniques. Et que c'est toujours faible d'un point de vue de la mise en scène et ça va juste alors, être jamais des trucs énormes, mais ouais, pas forcément des trucs moches voilà. Non plus. Voilà, c'est arrivé que ce soit vraiment moche, mais disons que c'est assez rare. Il y a quand même, moi j'ai, enfin quand tu revois le dernier Avengers, il est quand même pas vilain, je trouve. Oui, c'est ça, mais même des trucs comme Doctor Strange, moi je trouve ça très joli. Mais disons que celui-là, pour un Marvel, je trouve que c'est un peu oppresse quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gros soucis de visuel, moi ça m'a rappelé Justice League avec le côté pas toujours fini quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais il y avait quand même un ou deux moments de cinéma dans Justice League que là je trouve qu'il y a des gros soucis en termes d'effets spéciaux ouais c'est ça, mais même là en termes d'effets spéciaux je trouve qu'il y a des soucis, mais surtout du point de vue du montage, enfin, je veux dire c'est quasiment Tekken 3 quoi. Enfin, je trouve que ça fait mal à la tête. Ce qui m'a fasciné, parce qu'il y a un moment, il faisait appel, je sais plus, à The Red ou un truc comme ça, les réalisateurs, pour dire qu'ils avaient imaginé la scène du train. Et quand tu vois la scène du train, tu te dis... Non, attends, il y a eu les réalisateurs de The Red qui sont... Non. Il y a les réalisateurs, pardon, je me suis mal exprimé, de Captain Marvel, qui ont dit qu'ils étaient inspirés par... Je sais plus si c'est The Red ou... Voilà, un film comme ça que les gens aiment beaucoup. Ouais. Oui. Mais en fait, voilà, dans la scène, c'est monté, mais c'est surcoté à l'âge, tu comprends rien du tout. Ouais. Bah, s'inspirer, voilà, c'est bien, mais il faut savoir comme ça, faut le faire intelligemment. Il n'y a pas tellement d'inventivité visuelle, c'est-à-dire que tu as l'impression quand ils vont dans l'espace et dans les planètes crues, les machins, que c'est toujours les mêmes vaisseaux, toujours les mêmes machins. Ouais. Quand tu vas dans le monde des crues, bah, c'est Asgard avec un autre filtre, quoi. Enfin, je veux dire, Asgard, je trouvais que c'est. Dans le monde des ténèbres, par exemple, c'était chouette quand ils arrivaient à Asgard. Plus que dans le premier tour, je trouve. Ouais. Mm-hmm. Et d'un point de vue technique, il y a aussi un problème de structure. Alors, je suis un peu content qu'ils soient quand même forcés à pas faire une origin story linéaire. Ça, c'est agréable. Qu'ils fassent un peu des allers-retours dans le temps pour t'expliquer comment elle est devenue ce qu'elle est devenue. Mais il y a quand même des gros soucis. C'est-à-dire que moi, il y a un moment, j'ai l'impression qu'on remonte la même scène trois fois. Vraiment, je trouve ça très bizarre, comme c'est monté. J'ai trouvé ça étonnamment ennuyeux. C'est-à-dire que moi, c'est quand même assez rare que je m'ennuie devant un Marvel. Même les Ant-Man et tout ça que je déteste, je peux pas complètement dire que je m'ennuie. Et là vraiment, on n'est pas loin de Thor 2, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un... Et je dis ça avec toute l'affection que je porte. Je me fais moins chier devant Thor 2 que devant Thor. Ah ouais, non, je sais pas. Moi, je préfère le premier, il est un peu plus héroïque. Mais bon, bref, là, celui-là, c'est vrai que... Bah, il y a un petit peu d'ennui, quoi. C'est-à-dire que ça raconte quand même pas grand-chose. Ça s'étire vachement, t'as cette espèce d'antagonisme artificiel entre les deux races aliens, et qui vient, est gentil, qui est méchant, ouais c'est ça. C'est classique. T'as deux races aliens, qui est gentil, qui est méchant, et les méchants sont pas complètement méchants, les gentils sont complètement gentils. Et tu vois le retournement de situation que tu vois venir, à des kilomètres, c'est-à-dire que c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien réalisé, c'est pas très bien joué non plus. Moi je trouve que Larson... Même on a l'impression qu'elle est pas là. Pas choqué, moi. J'ai l'impression qu'elle est pas là, quoi. Enfin, je sais pas. De toute façon, moi, je pense que j'ai un problème avec l'avis des gens en général là-dessus. Parce que, enfin, j'ai toujours, enfin, Ouais. Je me rends compte que je suis toujours à contre-courant. Personne peut blairer Kristen Stewart, mais j'ai jamais trouvé qu'elle jouait si mal que ça. J'aime beaucoup Kristen Stewart et Brie Larson, je l'aime beaucoup. Et Brie Larson, je la trouve très bien à chaque fois que je l'ai vue. Dans School and Bones, j'avais trouvé ça très bien. J'avais trouvé très bien, mais là. Parce que Leyland, oui, aussi. Ouais. Ouais, là, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle dort un peu, quoi. Et alors, le CGI sur la gueule de Jackson et de. Le CGI, les effets spéciaux sur la gueule pour rajeunir Jackson et Coulson. Ah oui. Moi, je vois bien que tout le monde dise que ça se voit pas, mais moi, je vois vraiment que ça, quoi. J'ai pas prêté attention. En fait, j'ai l'impression depuis Tarkin dans Rogue One qu'il nous manque un truc, et qu'on sait pas très bien le faire, quoi. Mais bon, ça, c'est que moi, c'est vraiment personnel parce que j'ai plus vu dans Rogue One que dans. Ouais. Mais donc, et même voilà. Pourtant, dans Rogue One, déjà, c'était bien fait, mais. Après, il force un peu le lien avec les autres films du MCU, ça, le truc avec le Tesseract, le truc avec le. À la fin, le Avengers Initiative, que vont nous faire croire que c'est vient de Larson, qui, bref, c'est d'une lourdeur. Enfin, bientôt, j'ai lu sur internet qu'on va apprendre que Zendaya dans Spider-Man dans le prochain, c'est la fille de Nick Fury, en fait, tu vois. Enfin, en vrai, c'est un peu dans ce style-là, ce qu'on nous montre dans Captain Marvel. C'est nous font des passerelles qui sont. Il y a un petit peu tout qui se. Il y a beaucoup de liens, beaucoup plus appuyés qu'avant. C'est vrai que t'as plus de mal, je trouve, à voir un c'est vrai qu'avant tu pouvais aller par exemple voir quand tu pouvais aller voir le premier Avengers sans avoir vu les autres films. Là t'as 10 000 passerelles, c'est plus compliqué quand même d'aller voir tu vas pas aller voir Endgame déjà sans avoir vu l'autre Avengers, c'est évident, mais c'est surchargé sans avoir vu les autres films. C'est très surchargé en passerelle, très surchargé. Et alors après, ça paraît voilà, pas artificiel. Si, ça paraît vraiment. Enfin, moi, je trouve si, parce que du coup, ça fait vraiment prétexte de la part de Marvel et de Disney. Faut que vous alliez voir tous nos films, sinon vous comprendrez pas. C'est ça. D'accord, okay, et c'est-à-dire que. Alors, on me dit beaucoup qu'ils font pas comparer, mais moi, j'ai quand même un peu envie de comparer parce que dans un film qui avait la même visée politique, ou le même intérêt politique, en tout cas, c'était Wonder Woman de DC. Oui, bien sûr. Et je trouve que ça a rien à voir. Et voilà, visuellement, déjà, c'est cinématographique, ça a quand même rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, Wonder Woman, c'est bien. Enfin, Gal Gadot, ça a jamais été une grande actrice. Mais là, elle incarne le personnage, oui, mais elle a du charisme, mais de façon hallucinante. C'est bien foutu. T'as vraiment un placement historique qui est très intéressant pendant la première guerre mondiale. Le personnage est plus attachant. Ouais, alors que là, dans Captain Marvel, bon, les années 80, merci, bon, ça fait tellement 10 000 fois qu'on a le même. qu'on nous voit la même c'est chose. C'est vrai que dans là, ces les films, années 80, là, on commence à en souper. Non, mais c'est le chat qui est préféré. Elle atterrit au début du film sur un blockbuster vidéo. Tu te dis, oh là, c'est bon, c'est Stranger Things 2. Mais bon, passons. Disons que voilà, dans le genre intérêt politique d'avoir des super-héroïnes qui prennent toute la place et qui sont en plus super puissantes parce que Captain Marvel est un espèce de god mode à la fin du film. Tu te demandes comment elle n'est pas déjà venue sur Terre pour éclater Thanos. Mais bon, bref. Et voilà, disons que dans le genre intérêt politique de super-héroïnes très fortes et qui sont des modèles pour les générations de jeunes filles à venir, des modèles qu'elles n'avaient pas pour les films précédents, puisque voilà, c'était quasiment uniquement masculin, même pas quasiment, uniquement masculin. C'est intéressant, évidemment, mais... Est-ce que c'est possible aussi de pas seulement se reposer là-dessus et d'essayer de soigner un peu les films, quoi ? Moi, c'est quand même un peu mon problème. C'est ce qui avait été reproché à Black Panther, mais je trouve que Black Panther avait quand même un intérêt en termes de thématique et en termes d'interprétation, et même dans sa construction de l'univers Wakanda, t'avais quand mais même surtout, pas l'impression hein, de voir une fois la même chose, quoi. Je trouve que Black Panther paraissait beaucoup plus recherché, plus ambitieux. Il y aussi. Avait une subtilité dans le traitement des thématiques et une posture éminemment politique, et ça s'arrêtait pas à premier super-héros noir. Alors que je trouve que ça allait Marvel, plus loin que ça, c'est parce ça. Qu'il y avait... c'est surtout que l'histoire de Black Panther au Wakanda... déjà avait beaucoup plus d'impact au-delà du simple fait que ça soit un Avengers. Absolument, ça parle de réfugiés, ça parle du fait qu'il y ait des communautés qui se cachent alors que d'autres pourraient bénéficier, ça parle de protectionnisme, enfin ça parlait de beaucoup de choses. Et puis même tout bêtement, cette affaire de transmission sur la royauté, tout ça. Enfin, ça parlait de beaucoup de choses, tandis que là, Captain Marvel, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? C'est plus factice. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre à part on a un personnage féminin fort et qui n'a pas besoin des hommes pour se battre ? Ça nous dit pas grand chose d'autre. Alors le message est essentiel, mais est-ce que c'est possible d'aller un peu plus loin ? Ouais, je pense qu'ils savent le faire et que là ils sont pas voulus clairement, quoi. Voilà. En fait, pour compléter, moi je dirais du coup, j'ai plutôt bien aimé. Je me suis pas ennuyé par exemple. Je trouvais que ça faisait le job. C'est absolument subjectif, ça je suis tout à fait. Après, Brie Larson, j'ai pas vraiment de problème. J'étais assez même la trame. Bon, je l'ai suivie. Je sais qu'elle est pas. Disons que le film ne m'a pas dérangé. Je conçois que ça soit pas un grand. C'est vrai film. Que je reverrai Wonder Woman avec beaucoup plus de plaisir, par exemple. Oui, ouais. Et puis même dans l'intérêt cinématographique, même de la manière dont c'est filmé, c'est quand même très différent. Hein. Il y a quand même des idées, des vraies idées de mon cinéma dans Wonder Woman, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Pardon, oui, je t'ai coupé. Non, en fait, si, en y réfléchissant, je me dis que finalement, ce film-là, bon, déjà, c'est un peu la réponse de. Ils auront beau nous dire que non, mais c'est un peu la réponse de Marvel à Wonder Woman. Oui, c'est clair. Oui, c'est vu le succès qu'il a eu, voilà. C'est tout à fait évident. Et, ça, ouais. Et c'est surtout qu'en fait, c'est. Je pense que Captain Marvel. C'est une héroïne qui, c'est pas qu'elle est pas intéressante, mais c'est que je pense qu'elle, elle, c'est un peu comme Han Solo. Disons que je trouve qu'elle a, de la manière que Marvel me la présente dans ce film, dans cette origin story, ouais. Je trouve qu'en fait, elle a pas vraiment la substance pour tenir un film toute seule sur ses oui, épaules. Oui, alors que dans un les comics, comme Han Solo, c'est en fait, je pense qu'elle sera plus intéressante au sein des Avengers. Oui, fait. Comme mais comme Thor, hein, pour moi comme Thor. Hein. Moi je fais vraiment le parallèle entre Captain Marvel et les films Thor. Je trouve que c'est, même le personnage, je le trouve assez antipathique dans son film solo. Et je trouve que dans les films Avengers, il y a Thor qui réveille quelque chose de cette espèce de sensibilité, bah dans, de son espèce d'humour. Infinity War, Thor, il est quand même très héroïque. Oui, c'est ça. Et je trouve c'est un peu que lui qui vient mettre son grain de sel vers la fin. Là, c'est et tout, ça, donc, c'est ça. Et je me dis que Captain Marvel, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire des films solo, un film solo en tout cas plutôt faible, mais peut-être. Tu sens que c'est le film solo imposé. Voilà, absolument, le film solo qu'il fallait faire, parce que, ah mince, quand même, c'est quand même un mec qui va sauver le monde à la fin du prochain, donc voilà, ça serait alors que Black de... Panther, c'est vrai qu'on avait quand même une curiosité après Civil War. Absolument, absolument. À vouloir alors, le découvrir. Alors que c'est un personnage et, très secondaire dans le film. Parce que justement, film, Civil War, on faisait pas trop sur Black Panther. Il était assez mystérieux, finalement, à la fin du film. Ouais, on avait envie d'en savoir plus, absolument, je suis d'accord avec ça. Ouais. Alors que là, donc, c'est vrai que Captain Marvel... Bah, on savait rien avant le film solo, quoi. Et là, c'est vrai qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est ça. Ça vient des comics, hein, attention. C'est-à-dire que c'est effectivement elle qui met une branlée à Thanos dans les comics, sans en dire plus. Mais là, c'est après, vrai ça, c'est que pas, ça, c'est pas un problème en soi. Ouais, mais ça fait un peu film forcé. Et j'ai un petit peu un problème quand même. On est obligé de passer par là pour arriver à Endgame et voir. Ben voilà, bon, ça y est, maintenant vous savez qui va mettre une mandale à Thanos. Donc ça, c'est un peu ce bandeau là qui flash tout le film. Ouais, c'est un peu l'épisode filler pour tout regardez-la bien parce que elle va vraiment foutre le bordel dans le prochain film. Donc appréciez-la quoi. Mais c'est vrai que c'est tout est très forcé. Ouais. Après voilà, moi les Marvel, j'ai jamais énormément d'attentes sur les Marvel. Donc c'est pour ça oui, que je suis jamais vraiment déçu. Je désenchante moins par exemple sur un Marvel que sur un DC parce que du coup t'as plus d'attente sur un DC de cinéma. Bah, Batman et Superman pour moi avait tellement mis la barre haut dans sa version Ultimate. Ouais. Oui, que c'est vrai que quand je vois les autres ça fait de la peine. Autant j'attends rien des Marvel, enfin j'attends plus grand chose des Marvel, autant j'attends quand même que ce soit un minimum foutu quoi. Là c'est vrai que j'ai trouvé que Captain Marvel était quasiment pas au minimum syndical en termes de réalisation et d'écriture. Je trouve qu'il y a une espèce de sous-régime quand même qui en plus est assez rare chez Marvel, enfin à part les Ant-Man, mais je trouve que Black Panther et Doctor Strange, pour citer des films récents, étaient quand même un peu soignés quoi. Là je trouve que c'est moins que moyen pour moi, c'est vrai, ça commence vraiment à devenir pas très bon quoi. Mais bon voilà. Ouais. Et sachant, enfin, box office, ça fonctionne. Ça... Ouais, évidemment, ouais, ça, les gens y vont à la fois parce que c'est un personnage féminin et je pense que ça a son sens évidemment et que les gens veulent le soutenir et aussi parce qu'on nous le vend tellement comme ça qui va sauver le monde que. Voilà, moi j'y suis allé le voir uniquement pour ça. Hein. Ouais. Qu'il a déjà dépassé Wonder Woman. Hein, après, c'est bien un truc que tu peux pas retirer à Marvel Studios et à Disney hein, de toute façon. C'est leur marketing. Absolument. Et leur manière de. Sur certains films. Non, mais là-dessus, c'est un. C'est une machine de guerre, hein, ils savent. Ouais. Et Tom Holland aussi. Sur les films, sur les films qui les intéressent vraiment. C'est, oui, bien sûr. Hein. Il faut mettre les choses dans ce contexte. Mais cela dit, peut-être pour en terminer, moi, voir Captain Marvel m'a quand même fait prendre conscience que je commence à en avoir un peu marre de ce genre en général. C'est-à-dire que c'est juste maintenant que tu te rends compte. Bah ouais, en fait ouais, parce que même je te disais en off, même Aquaman et tout ça, j'ai trouvé ça pas mal, tu vois. Là, quand j'ai été voir ce truc-là, je me suis dit, c'est vraiment quand même toujours le même problème, quoi. Moi, je commence à vraiment voir les structures, à vraiment voir ce qui va se passer, ce qui va se. Moi, si j'ai pas des films qui me renouvellent un peu le bazar, là, moi, je commence à saturer un peu là. Disons que en soi, raconter grosso merdo la même histoire à peu près à chaque fois un peu à la Mission Impossible par exemple, oui, c'est pas un souci. Mais c'est surtout qu'il faut que les personnages aient assez d'épaisseur pour porter ça et que ça soit eux qui nous captivent quoi. Ouais, et que l'univers soit renouvelé, c'est à dire que là vraiment j'ai vraiment l'impression que Captain Marvel, j'ai pas d'idée dans le film de trucs que j'aurais pas déjà vu quoi. C'est quand même assez préoccupant je trouve. Alors le coup du chat, moi je m'y attendais pas forcément parce que j'y connais rien en comics. Ouais, moi je veux pas attendre non plus venir, mais de le dire. Moi je voyais vraiment le chat comme juste l'atout mignon du film, ouais, et je pensais pas qu'il ouais. allait avoir un rôle plus que ça en fait. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Moi aussi, je suis assez d'accord. Ouais. Ok. Et ben du coup. Et d'ailleurs, je pense que en termes de 3D, il y a que le chat qui a de la gueule. Absolument. Attention, c'était pas le film du mois. Alors on en a parlé beaucoup, mais c'est pas le film du mois. Oh, non, et par contre, oui, visuellement, moi j'ai trouvé ça. Ah, des soucis. Hein. C'est les grosses. Les scènes de fin là dans l'espace où elle fait. C'est extrêmement, laid. Mais c'est pas laid comme Black Panther qui faisait un peu cinématique de PS2. C'est laid comme un truc. Stéphane adore dire ça. Bah oui, mais c'est vrai, hein. Moi j'aime beaucoup Black Panther, mais c'est vrai qu'il y a, c'est des cinématiques bizarres à la fin. Quoi. Et la scène du métro. Du métro, elle est laide, quoi. Mais là, c'est vrai, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas mal fait. C'est une idée esthétique qui rend super pas. Mal, quoi. Qui ça rend fait Green Lantern 2011, c'est ça. Mais vraiment, vraiment. Et pourtant, voilà, moi, c'est ça, on en parlera si un jour. Puis genre ce look avec la crête, ouais. Là, c'est. C'est ça, ouais, exactement. Si un jour vous faites une émission sur les trucs plaisir coupable, les trucs sous-estimés, je prendrais Green Lantern parce que moi, je l'aime bien. Mais là, en termes d'ambition visuelle, Green Lantern était quand même autrement mieux foutu, je trouve. Là, c'est... Ouais. D'accord, ok. Très bien. C'est pour dire. Oui. donc, bah, du coup, et Adrien, tu vas nous parler de Ma vie avec John F. Donovan, film que Eddie et moi-même voulions voir, mais comme nous habitons pas à Paris. C'est pas le Dolan que j'attendais le plus. Ouais. Oui, mais tu as raison de. D'accord. Mais sans pour autant, oui. Vas-y. Ouais. Non, on va laisser Axel finir. Juste avant que tu commences, que Quentin en a fait une critique sur le site que je vous invite à lire, qui est très bien faite. Voilà. Est-ce qu'elle est positive? Oui. Ah bah c'est bon, c'est bien. oui, parce que voilà, si t'as fini. Oui, vas-y. Oui, pardon, parce que je veux pas m'occuper de tout. donc oui, alors moi je suis très Dolan, hein, je suis vraiment très très Dolan, je les ai vraiment tous vus. Non, pas du tout. Et je suis très défenseur, surtout, je sais pas si les auditeurs le savent, je suis très défenseur, surtout de Juste la fin du monde, voilà, qui sont moins aimés. Moi j'ai beaucoup aimé, j'avais été très en colère quand j'avais eu la critique de notre hôte ici présent. J'étais très en colère, mais bon, c'est pas grave, on peut pas être d'accord tout le temps. On est souvent assez d'accord avec Axel, mais là c'est vrai que j'ai eu le truc, j'étais oh là là. Il a pas eu la mienne ou quoi. Voilà, mais disons que là celui-ci. Alors pour raconter un peu l'histoire rapidement, mais très très premier rapidement, premier film c'est américain de Dolan. Premier film américain de Dolan avec Kit Harington, Susan Sarandon et tous ces acteurs dont j'ai oublié. Et Katie Bates aussi. Natalie Portman, il me semble. Natalie Portman et pour faire la blague que tout le monde a faite, et pas Jessica Chastain puisqu'elle a été coupée au montage. Oui. Je crois que ça m'a démotivé à fond. Oui, mais ça manque pas bizarrement. Je pense que le montage était, je pense qu'effectivement elle devait être en trop parce que le film se tient très bien sans elle et je vois assez mal comment y intégrer un autre personnage. Mais bon, tout ça pour dire ouais, que mais c'est triste quand même de couper. Il y a cette histoire donc de d'un gamin qui envoie des lettres à un acteur qu'il adore et cet acteur lui répond. Et c'est qu'est-ce que ça va changer dans la vie de ce gamin et de cet acteur. En gros, ça part de là, mais le film parle pas du tout de ça. Il parle c'est une espèce de construction en miroir de comment ces deux marginaux vont évoluer dans leur vie et l'un réussir sa vie, je dirais évidemment pas lequel, et l'autre partir plus dans une espèce de dégénérescence. Et t'as une construction en miroir pendant tout le film qui est très intéressante. De point de vue structurel, le film est vraiment très bien fait, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je me dis que si Chastain et d'autres choses ont été coupées au montage, c'est pas plus mal, parce que moi je trouve que la structure est tellement parfaite que ça me paraît très difficile d'y intégrer ou d'y enlever quelque chose. D'accord. Au-delà de ça, c'est très très bien, très très bien interprété. Ça, je trouve que Dolan, il a toujours un sens de faire jouer ses acteurs et de vraiment d'offrir à ses personnages une substance par l'image. Kit Harington est très bon. Et j'étais le premier à avoir des doutes parce que j'aime vraiment pas du tout. Et là, entre lui et Viggo Mortensen, parce que c'est assez exceptionnel qu'il soit bon. C'est ça. Moi, entre lui et Viggo Mortensen, c'était mon moi. Non, mais moi, j'adore Game of Thrones, mais c'est clairement pas un bon acteur que j'aimais plus. Et moi, la dernière fois que je l'avais vu, Kit Harington, c'était dans Le Septième Fils, alors c'est pour te dire. mais donc là, disons que j'ai trouvé ça bien. Après, il y a un petit souci, c'est que je crois que Dolan s'est un petit peu américanisé. Mm-hmm. Et alors, il y a deux choses. À la fois, il plaque ses thèmes dans cette histoire qui le reçoit très bien. Donc voilà, sa peur de l'abandon, les relations mère-fils et tout ça. Ça, c'est des choses qui sont formidablement traitées parce que Dolan sait le faire, tout simplement. Et cette espèce depuis le temps qu'il en parle, heureusement qu'il sait le traiter. Oui, mais disons que c'est un peu renouvelé à chaque fois. Et là, c'est encore une fois le cas. Et c'est toujours pareil, cette espèce de lumière de façon solaire qu'il a de filmer, surtout quand il filme Natalie Portman, que j'aime pas non plus d'ailleurs au passage. Mais la manière dont il la filme, il y a vraiment quelque chose de très... commissaire, ces actrices, ces personnages notamment féminins, il y a quelque chose de très, vraiment profondément féministe, je pense, et vraiment de très accueillant et de très chaleureux. Mmh. Et après, voilà, comme je disais, il y a ce souci qui est que c'est un film qui est un petit peu hollywoodien, quoi. Et pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a à la fin du film, sans que j'en dise plus, des retrouvailles avec un espèce de ralenti très, vraiment très très kitsch que j'ai pas tellement... Ouais. Dolan aime bien les ralentis, mais là il y a vraiment quelque chose de très surfait. Et tout le film est un genre l'oiseau à la fin de Jusqu'à. Oui, mais c'est autre chose parce que là ça. Que ça, j'ai toujours pas compris. Parce que là ça n'a pas d'autre sens que de montrer ses retrouvailles et de faire un peu. C'est un peu un film lacrymal en fait, c'est assez qui est bizarre. C'est-à-dire que je trouve que ça manque un petit peu de cette sincérité subtile que j'ai pu trouver dans ses autres films. Là c'est beaucoup plus rentre-dedans d'un point de vue émotionnel et ce qui fait que moi ça m'a moins touché paradoxalement quoi. Parce que moi plus on m'en fait et plus on me rajoute de la musique et plus on me rajoute des ralentis, moins j'y crois quoi. Et donc je trouve que ce qui était justement très brut dans Juste la fin du monde, et que vraiment c'était vraiment de l'engueulade explosive. Et très réel, problème. Quoi. Ouais. Voilà, que évidemment, je peux comprendre que ça touche pas, et même qu'on aime pas, qu'on trouve ça mauvais, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y avait quelque chose de sincère là-dedans. Et là, je trouve que juste là, comment il s'appelle, John F. Donovan, a quelque chose, et c'est pour ça que je dis que c'est hollywoodien, d'un peu construit. Et d'un peu consensuel, quoi. Est-ce que dans la manière dont tu en parles, j'ai l'impression que. On lui reproche un petit peu les mêmes choses qu'il y avait dans Tom à la ferme où on avait justement des références et des codes beaucoup plus appuyés, un peu comme mais disons que Tom on sentait ferme, vraiment le côté Hitchcockien. En fait, Tom à la ferme, c'est une autre chose pour moi parce qu'il s'essayait à un genre qui n'était pas le sien et il en épousait les codes. Et donc ça me posait pas de problème. Or là, ils connaissent le genre, la comédie dramatique ou quasiment la biographie fictive. Ils connaissent ce genre-là, Dolan. Ils le connaissent très bien. Et le fait qu'il y intègre tout à coup des codes hollywoodiens, ça sonne un peu faux, quoi. Ça fait Dolan, mais sans vraiment. Après, c'est un film qui est très bien réalisé, qui est très bien interprété. Et je ne peux que le recommander. Je suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais. Et ce sera dans mon top, c'est sûr. Mais disons que je trouve que c'est par rapport à ce qui en a été fait et l'attente qu'il y avait autour de ce film, c'est peut-être son plus faible. Mais parce que c'est son plus consensuel, c'est vraiment ça le problème pour moi. Peut-être parce que c'est son plus américain surtout. C'est absolument ça le problème, je pense. Et j'ai pas non plus envie de faire le mec qui est pas du tout pro à États-Unis machin, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de pas naturel du tout. Et j'attends infiniment plus son prochain film, que j'ai déjà oublié le titre parce que décidément je vais pas le voir. Non, Max et Maxime, ou je sais pas quoi, bon, tout comme ça, on s'en fout. Et disons que oui, j'attends beaucoup plus ce film-là, qui est un film, pour le coup, je sais plus si c'est français ou québécois, qui, à mon avis, va beaucoup plus être dolanien, dans le bon sens du terme. Qui sera plus intimiste. Plus intimiste que là, il y a quelque chose d'un peu surfait, mais vraiment, c'est à la marge. Et depuis le début, on sent que juste la fin du monde, on sent, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais que c'est un gros film. Comparé aux autres, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Alors que je sens que monde, là, moi, il faisait un gros film. Je trouvais qu'il y avait quand même une espèce de subtilité, ou en tout cas une espèce de sincérité. Là, parfois ça m'échappe un peu. Mommy, quand même, donnait cette impression qu'il faisait un gros film, parce qu'on en a tellement parlé, mais ça restait quand même. Oui, mais assez intimiste encore une fois, Mommy, c'était intimiste et sincère, et il y avait des idées très québécoises de mise en scène, très québécoise et très française de mise en scène, alors que là, ça lui va pas très bien, le style américain. C'est un très bon film. Mais pourtant, parce qu'il a toujours eu quand même ses influences américaines. Absolument, oui. Parce qu'il est québécois et que, bon, ben déjà, ils sont baignés dans les deux cultures. Absolument. Et ça se ressentait dans ses films, et là, du coup, il a peut-être plus mis quand même le pied. L'accent, c'est ça, parce qu'il citait déjà Titanic, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, dans Juste la fin du monde, par exemple. Mais là, disons que. Dans J'ai tué ma mère, déjà. Ouais, et là, ça se voit jusqu'à la structure, et c'est peut-être ça qui pose problème, en fait. Et jusqu'à la manière de filmer, en fait. Mais bon, voilà. C'est vraiment à la marge et c'est tout à fait recommandable. Je suis pas du tout en train de dire que c'est mauvais. Ouais. De toute ouais. façon, il a le droit de se planter aussi. Oui, il a le droit de se planter et là, on est loin d'un plantage. Enfin, tout va bien, hein, très sincèrement. D'accord, très bien. Et du coup, tu vas finir. C'est toi qui vas être rapide. Je vais être rapide. Non, rassurez-vous. Du coup, sur le film que je voulais voir le plus ce mois-ci, que je n'ai pas vu. Ah oui, et en plus, ça va être très difficile de pas spoiler, mais je vais pas. Non, mais Ouais, voilà. Je vais pas le faire parce que je, voilà, j'ai envie d'être réinvité, tout simplement. je l'ai menacé avant le podcast. Oui, oui, j'en suis fait. Axel n'est pas gentil. Il y avait de l'acide dessus, ça m'a cramé les doigts. Ouais, enfin, non, c'est mal. Clair que là, il s'en souvient encore. Quel est bien son jeu, Axel. Donc, donc du coup, Adrien va parler de Us. Avant que tu en parles, je signale que Anne-Laure a fait une critique sur le site qui est très bien, que je vous invite à lire. Adrien, c'est à toi. Dis-moi tout ce que t'as pensé de Us. Et j'ai le droit de dire un peu de quoi ça parle, ou t'as même pas lu le résumé? Non, mais je connais à peu près de quoi. Ouais, le pitch, bon, en gros, c'est un film de home invasion, donc avec des gens qui débarquent dans la maison d'autres gens, et ces gens-là sont les doubles, c'est les doppelgangers comme on dit en Allemagne, des héros du film. Voilà. Pour ça, voilà, c'est aussi con que ça à première vue. Un petit peu plus que du Home Invasion, du coup. Oui, voilà, c'est ça, c'est absolument. Et donc, moi, j'avais beaucoup déjà aimé, évidemment, Get Out, qui pour moi était peut-être la bombe horrifique de l'an dernier. Bon, s'il n'y avait pas eu Hérédité, quand même, mais bon, voilà, passons. bon, de toute façon, c'était une année sublime pour l'an dernier, qu'on se le dise. Et là, l'année dernière, c'était pour l'année dernière. C'était pas l'an dernier, Get Out et Hérédité, non, Get Out, c'était il y a deux ans. Il y a deux ans. Ah bah tant mieux. Bon voilà, bon c'est deux années sublimes de suite, alors c'est super. Oui, disons que j'avais beaucoup aimé Get Out dans son propos très, pour le coup très politique et assez outrancièrement politique. Là c'est un peu différent, c'est-à-dire que le propos politique, en tout cas pour moi qui suis donc concerné, voilà, par tout ce qui est, je suis pas noir ni rien, donc peut-être que je passe à côté de quelque chose, et c'est même sûr que je passe à côté de choses du film, et que il y a des choses que je perçois pas. Mais j'ai trouvé ça moins outrancièrement politique, ce qui est ni un défaut ni une qualité, c'est comme ça. Ah oui. Et j'ai trouvé ça, oui, ça m'a moins choqué. Ah d'accord, donc peut-être que ça me plaira plus du coup. Oui, parce que ceux qui ont plus de mal avec l'aspect outrancièrement politique, ce que je peux comprendre. Parce que moi, même si ça a tendance à vite me gonfler quand même. Même si pour moi, encore une fois, quand on voit déjà les premiers films de Romero, le cinéma d'horreur a toujours été politique. Mais disons que là, Get Out, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et là, c'est peut-être moins évident. En tout cas, pour moi, c'était moins évident. Désolé, mais c'était pas subtil du tout de ce côté-là. Hein. Voilà, je trouve. Hein, voilà. Quand même. Bon, moi, je sais pas si je trouve ça. Bon, bref. Et ce qui est fascinant dans ce film-là, dans Us, c'est que c'est un univers, quoi. Ça fait très peur pendant une heure. Après, ça part un petit peu dans autre chose et c'est un peu moins effrayant parce que c'est plus visuel, pour le coup, plus visible. Il y a un ou deux twists dans le film qui sont grillables. Et ça fait, c'est super, ça fait vraiment peur. Au moins, la première heure, il y a toute une séquence. C'est la première scène du film, hein, j'en dis pas plus. Ça fait peur ou c'est malaisant? Ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur. Où une gamine se balade dans une espèce de caverne d'un parc d'attractions. Un machin, là, tu sais, où on se balade avec des faux singes et tout ça, une fausse forêt. Enfin, ces trucs-là. Et où, d'un coup, tout s'éteint. Et où elle se balade un peu dans cet univers-là. Et moi, je trouve que ça fait très peur. Bon, la personne à côté de moi a peur. Ah oui, donc tout. La fameuse image qu'on voit partout de la petite fille avec ses couettes là. Voilà, cette espèce de truc à la Kirikou et la sorcière là, c'est vraiment. Je me demande même si c'est pas l'inspiration, très honnêtement. Mais c'est sublime. Et toutes les images comme ça, toutes les images du film sont sublimes. Il y a un passage où il marche sur la plage où t'as les ondes qui se détachent, qui est sublimissime. Disons qu'en termes de mise en scène, je trouvais Get Out déjà très bien, mais là, il a passé un cap dans l'iconisation. Enfin, c'est des tableaux. Il y a vraiment des séquences, c'est vraiment des tableaux, c'est extrêmement bien réalisé. Il a un sens du mystère indéniable, et c'est pas étonnant qu'il ait été contacté et qu'il ait pris en charge le reboot de la quatrième dimension, qui par ailleurs est très réussi et que je recommande. Je trouve en tout cas. Ah bon, tu l'as vu, toi? Et j'ai vu, oui, parce que c'est déjà trouvable sur certains. C'est sorti, c'est mon oncle d'Amérique qui m'envoie. J'ai été obligé de m'abonner au CS. Donc voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et voilà, c'est un mec qui est né pour raconter des histoires mystérieuses. Et c'est pour ça, quand les gens te rabattent les oreilles avec c'est le nouveau Hitchcock, machin, parce qu'évidemment, il faut toujours comparer avec des réalisateurs blancs, sinon ça sort plus. Mais là, il y a quelque chose de ça, dans le sens où c'est un mec qui est c'est un peu un maître de l'angoisse et du mystère quand même, Jordan Peele. C'est-à-dire qu'il sait instiller un mystère. Parfois, la résolution est décevante. Dans Us, elle l'est un petit peu. Est-ce qu'il y a toujours des notes d'humour? Oui, absolument. Ah. Là, ça passe par le portrait fait des personnages blancs. Sarcasme. Voilà, le poncif dans les films d'horreur du black qui se fait tuer en premier, il est délicieusement détourné dans Us. Ah, mais le personnage d'Elizabeth Moss, c'est un des personnages les plus drôles que tu verras dans le cinéma horrifique cette année. C'est vraiment, il y a des trucs vraiment hilarants. C'est vraiment très très bien. Et voilà, moi ça m'a parlé à fond. J'étais à fond vraiment pendant tout le film. La musique est incroyable. Et Lupita Nyong'o, qu'on avait déjà vu dans. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Dans Twilight Zone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle était dedans et aussi dans Black Panther. est vraiment sublime, mais c'est une superbe actrice, vraiment, vraiment exceptionnelle. La manière dont elle interprète ces deux facettes d'un même personnage, voilà, qui, puisqu'elle joue elle et son double, forcément, c'est extrêmement bien fait et ça brouille vraiment les pistes. Et en fait, tout le film. De toute façon, ils jouent tous leur double. Oui, mais elle, elle le fait parce que les autres, c'est plus outrancier, c'est-à-dire qu'il y a plus une distinction. Et là, pour elle, pour des raisons que j'expliquerai pas, qui sont à moitié expliquées dans le film. La subtilité, la différence entre les deux est pas évidente. Et là, il y a une espèce de subtilité dans son jeu, ce qui fait que tu reconnais instinctivement quel est le personnage dont tu parles. Et c'est vraiment très très bien fait. Donc il y a quelque chose aussi comme ça de pile de filmer ces personnages féminins qui est vraiment très réussi. Et je trouve que c'est un. En fait, c'est vraiment un excellent cinéaste. Et je crois que c'est pas tellement surestimé de dire que, avec, comment il s'appelait, David Robert Mitchell, le mec qui avait fait It Follows. C'est vraiment des mecs qui. Et Harry Anser qui avait fait Hérédité. Je pense qu'il y a une relève dans le cinéma horrifique, une nouvelle vague horrifique qui est vraiment très intéressante. Que ce soit dans le cinéma indépendant avec ces gens-là, ou dans le cinéma plus commercial avec James Wan. Je trouve qu'on a vraiment retrouvé. Je trouve que les années 2000. À partir de 2010, disons. Ont vraiment une recrudescence comme ça de cinéastes d'horreur, d'artisans. Qui est vraiment très intéressante. Et moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne époque pour le cinéma d'horreur. On a des daubes comme toujours, et on a des déceptions comme toujours. Il y en aura tout le temps. Disons, quand on a vu ce qui s'est passé un peu avant les années 2000 et pendant les années 2000, où on a eu une espèce de vague de reboot calamiteux, à part 2-3 films que de. Il y a eu toute la vague du retour des slashers aussi. C'est ça, à part 2-3 films de Rob Zombie qui sortaient du tableau, il y avait vraiment, vraiment pas de quoi être fier. Là, je trouve que depuis les années 2010, il y a vraiment des choses très très intéressantes qui se font, et Us en fait partie. Vraiment, très clairement, c'est même en termes de réalisation, c'est d'une exigence, c'est assez rare. Quoi. Ok, très bien. Ben ouais, moi j'ai très envie de le voir, donc voilà, si mon tonton d'Amérique m'entend, il m'envoie le Blu-ray rapidement. voilà, donc on a fini sur la Selec, du coup on va passer tout de suite au film du mois. Ben c'est parti. On est donc à la rubrique du film du mois et on va vous parler de Dumbo, réalisé par ce très cher Tim Burton. Voilà, donc film de. Adaptation du long métrage d'animation Dumbo qui était sorti en 1941 par les mêmes studios Disney, du coup. Cette fois-ci, c'est une adaptation en prise de vue réelle. On retrouve au casting Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito. Alan Arkin, Sandy Martin, Nico Parker, et puis voilà, après d'autres personnages un peu moins connus. Déjà, tu as dit Michael Keaton et Danny DeVito, donc voilà. C'est suffisant. Oui, non, mais c'est suffisant. Déjà, il se retrouve avec Tim Burton devant la caméra, voilà, donc c'est toute une mystique, Batman Return. Ah, etc. Bah oui, ah, oui ça, voilà. Ça faisait du bien, on va pas se mentir. Ah mais j'ai eu le sourire quand j'ai vu Danny DeVito sur le même plan, toujours que... doublé en plus en VF par le même acteur, donc c'est ouais, non, c'est mais Danny DeVito, moi c'est un acteur que j'apprécie énormément. Mathilda Ouais. Il m'a traumatisé avec Mathilda, mais du coup on il m'a pas les mêmes références, t'as pas vu Mathilda, faut que tu vois Mathilda. Non, mais j'ai lu le livre, bon bref, on en fera peut-être. Non, le bouquin est très bien aussi, enfin une spéciale Wild. Ouais. Pas de soucis. Bah oui, du coup, avec Charlie. Donc voilà. Film sorti en France le 29 mars 2019. Donc on est juste sur la limite de film sorti en mars. Et aux États-Unis le 29 mars et en France le 27, pardon. Voilà. Donc. Moi, pour remettre un peu en contexte de ce que je pensais du film, est-ce que j'étais impatient de le voir ou pas, déjà, Dumbo, film de 1941, c'est un de mes Disney préférés. Voilà, c'est ça aussi. C'est un Disney où je pleure tout le temps. C'est normal, voilà. En même temps. Hein. Oui, je trouve magnifique visuellement. Je trouve aussi beau parce que je trouve que l'aspect avec un petit peu. Ouais, et puis l'aspect avec les humains, en fait, le rapport avec les humains dans ce film, je trouve qu'il est très bien fait parce qu'on ne les voit quasiment pas. Voilà. Et c'est ce qui est tout le contraire du film de voilà, Burton, du coup. C'est ça, en fait. Et justement, moi, j'avais peur de ça. J'avais très peur de ça. Mais en même temps, j'étais quand même un petit peu curieux de voir ce que Burton allait faire avec Dumbo, parce que même si j'avais mes appréhensions, Alice au Pays des Merveilles, etc. Voilà. Mais, oui, mais non. Ouais, mais ça m'inquiétait. Moi, ça m'inquiétait pas. Ça. Ouais. Moi, film de commande Burton, j'ai peur. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je le dis tout de suite, parce que justement, il se démarque du film de 1941 et qui ne fait pas une bête adaptation comme la plupart, la plupart, même quasiment tous, même La Belle et la Bête que j'ai bien aimé. Et en fait, il fait pas la même erreur que va faire le Roi Lion, par exemple, je c'est pense. Ça, voilà. Parlons pas du diable. oui, voilà. En fait, Disney, je pense qu'ils ont vraiment laissé carte blanche à Burton. Et là, on le sent qu'il a fait ce qu'il voulait faire avec cette histoire. Et que il s'est pas contenté de respecter un cahier des charges spécifique de t'as vu le film de 1941 et tu fais plan par plan tu fais plan par plan le film en vue de prise réelle. Déjà ça aurait pas été trop possible parce que il aurait dû faire les souris qu'on voit justement c'est une référence au film de 1941 puisque c'est un peu les personnages qui accompagnent Dumbo dans toute son aventure. Là, on les voit deux fois dans le film. Une fois dans une cage et une autre fois dans... je sais plus... on les voit quasiment pas. Mais sachant que c'était des personnages très importants. Si, on les voit parce que... on les voit parce qu'il faut qu'on les voit. Oui, voilà. Donc on sait qu'elles sont là, mais elles n'auront pas du tout la même fonction. Voilà, et elles guideront pas Dumbo. En fait, là, ce sera plus les et enfants. Et puis après, dans le film de 41, c'est qu'il y avait aussi, c'est un petit peu moins, je pense, répandu aujourd'hui, mais c'est qu'il y avait vraiment cette idée selon laquelle on disait que les éléphants avaient peur des souris aussi. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Il y avait ce cliché un peu. Hein, c'est un truc que j'en entends moins parler, je trouve. Tu demandes ça à un gamin, en accueil de loisirs, je leur demande, je ne suis pas sûr qu'ils... Ouais, je suis pas sûr qu'ils me disent que les éléphants aient peur des souris, par exemple. Mm-hmm. C'est moins ancré dans l'imaginaire collectif, je pense, aujourd'hui, que ça ne l'était en 41. C'est clairement ça. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai apprécié, justement, c'est justement qu'on ne fasse pas un copier-coller. J'ai beaucoup aimé la relation père-enfant entre, justement... le Holt Farrier, donc Colin Farrell, avec ses enfants. Donc Holt revient de guerre, il a perdu un bras. Voilà. Avant, c'était un cavalier très célèbre du cirque, justement, qui est tenu par Danny DeVito, donc Max Medici. Il revient, ses deux enfants sont là, ils ont été tenus par la troupe, ils ont été gardés par la troupe du cirque. Avant, ils étaient gardé par leur mère, mais qui est morte de pneumonie, il me semble, ou de, je sais pas, de tuberculose, peste, tuberculose. Peut-être, ouais, je sais plus trop la cause exacte, mais en tout cas, elle est morte assez récemment, du coup, les enfants ont dû s'élever un peu tout seuls, avec l'aide, de temps en temps, des personnes de la troupe, mais on sent qu'ils sont pas très investis dans le fait que les enfants grandissent bien, etc. Ils veulent plus que les enfants reprennent le rôle de leur père, justement, qui était cavalier, etc. Et qui leur fasse de l'argent, plus que qu'ils suivent leur propre route. D'ailleurs, c'est tout le message derrière le film, c'est suivre son propre destin, ne pas se suivre les c'est chemins tout tracés. Messages. Oui, c'est l'un des messages d'ailleurs, n'utilisez pas d'animaux dans les cirques. Mais enfin voilà, il y a plein de messages dans ce film qui sont très bien à montrer aux enfants, je trouve. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé toute cette relation père-fils-fille avec Colin Farrell qui joue très bien, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas de problème d'acteur, sauf la gamine, je la trouve un peu froide de temps en temps. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est... En fait, on sent que c'est un peu burtonien, cette gamine un peu froide, un peu, comment dire, Famille Adams. On la sent un petit peu... Elle est un peu en sous-régime, la gamine. Hein. Je trouve qu'elle n'est pas très incarnée. Tout simplement, oui. Ouais, moi, je n'ai pas été hyper marqué, alors que... je ne sais pas si tu reprends... Bon, forcément, Charlie... Freddy Highmore, bon, mais normal, c'est le héros. Donc, je pense que la direction d'acteur est plus appuyée aussi, mais... Ouais. Je pense juste que là, la gamine, en fait, est pas hyper... Elle a été choisie, mais de toute façon, c'est clairement pas un personnage principal, je trouve. Oui, c'est vrai. Elle a quand même son importance dans le film. Oui, mais le film n'est pas vraiment le personnage principal, hein, moi, je trouve. C'est un film très choral. Bah, Dumbo. Encore et encore. Mais même Dumbo, je suis pas complètement sûr. Pour moi, c'est un film très choral. Moi, je trouve quand même Dumbo qui... Ouais. Ce qui veut pas dire que les gens qui gravitent autour sont pas principaux, mais Dumbo est l'enjeu du film, mais est-ce qu'il est le personnage principal, je suis pas complètement convaincu. Ça reste le moteur quand même. Oui, c'est le moteur, ça je suis d'accord absolument. Ouais, mais... c'est clair. Heureusement d'ailleurs. Oui, ouais, heureusement. Donc ces enfants, la mère éléphante, comme dans le film de 1941, accouche de Dumbo. Quand Max Medici voit l'éléphant, au début il dit c'est quoi cette monstruosité avec des grandes oreilles, etc. Il veut pas la garder, et finalement les enfants vont se rendre compte que Dumbo peut voler grâce à ses ailes, mais seulement quand il tient une plume. Voilà. Et ça c'est le message qui était déjà dans le premier film. Du coup, c'est on n'a pas besoin d'artifice pour suivre son destin. Enfin, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà. J'ai beaucoup aimé visuellement le film. Je le trouve vraiment joli. Peut-être qu'il va vieillir plutôt. Enfin, je ne sais pas comment il va vieillir. Peut-être pas trop bien. Dumbo restera mignon, ouais, je pense. Voilà, c'est vraiment... tous les effets numériques, outrancièrement numériques, vont vieillir de toute façon. Oui, non, il vieillit. Oui, c'est clair. C'est clair. Tout le parc d'attractions, justement, qui est tenu par Michael Keaton. Dreamland. Dreamland. C'est très joli à voir maintenant. Beaucoup de physique là quand même, hein. C'est pas tellement numérique, ces séquences là je trouve. C'est pas des constructions numériques, donc je suis pas complètement convaincu. Au début du film, ça m'a choqué quand même, hein, parce que le train faisait vraiment fake. Junior. Je me suis dit, putain, si tout le film est comme ça, par contre. Et les chants aussi autour. On sent la scène full synthèse là. Ouais, c'est ça. Ça au début, ça m'a aussi dérangé. Mais finalement, ça s'estompe un peu après. Voilà, c'est ça. Et on s'adapte et ça s'estompe. Et voilà, c'est pas le centre du film. Dumbo est bien fait, donc c'est déjà une bonne chose. Il y a la scène avec sa mère et sa trompe qui est pas forcément placée au bon moment. Oui, c'est vrai. Qui fonctionne quand même. Toujours. Qui fonctionne toujours. Une de mes scènes préférées, parce que moi j'adore quand Disney fait des trucs psychédéliques. Fan d'Alice au Pays des Merveilles, on atteste. Le premier, hein, je parle pas de l'adaptation de Tim Burton. Donc moi j'adore la séquence justement où Dumbo prend de l'alcool. Déjà ça y a pas. ça n'existe pas. Mais justement, c'est des choses intéressantes, ça. Ce qui en est fait par Burton. Est-ce que pour moi, tu vois, la scène que t'aimes bien dans Dumbo 2019, moi c'est celle qui m'emmerde, clairement. Ouais, mais non, mais même si je trouve ça joli, hein, mais elle apporte rien, je trouve. Voilà, elle apporte rien et je la trouve un peu irréaliste parce que tout le reste du film est à peu près réaliste. On dit réaliste avec un éléphant qui vole, bien sûr, mais tout le reste, la physique, etc., tout fonctionne bien. Mais là, c'est quand même des bulles qui bougent toutes seules. Et ça fait un peu trop fantasque par rapport à tout le reste du film. Ton explication. C'est toute ma théorie sur le film. Pour moi, à part Dumbo qui vole, rien n'est fantastique. Bah oui. C'est ce qui est formidable dans ce que fait Burton, moi c'est ce que j'ai apprécié. Mais pour moi cette séquence des bulles est tout à fait une séquence réaliste. Mais comment les bulles elles bougent toutes seules? Il y a des trucs comme ça au cirque tout le temps. Le cirque c'est la magie. C'est vrai qu'il y a des spectacles qui se font avec des bulles qui sont assez impressionnants. C'est du cirque. Très sincèrement, moi ça me choque pas mais du tout. C'est vrai que il y a de l'illusion comme ça qui se fait beaucoup. Mais bon, dans le film c'est que c'est très appuyé. Ok. Moi je trouve que justement ce qui est par ailleurs aussi un peu un délire de quelqu'un qui n'est jamais allé au cirque. Donc je ne peux pas. Après ça reste un conte. Faut pas l'oublier. Et puis surtout c'est un peu un délire de Dumbo cette scène-là aussi. Faut pas l'oublier. Comme dans la version originale, ce qu'on voit, c'est pas vraiment des bulles qui bougent et qui font des machins trucs. C'est moins outrancier dans la version originale. C'est vrai qu'on le voit du point de vue de Dumbo. C'est vrai. C'est important de le souligner. Pour moi, c'est ce qui est formidable d'ailleurs dans ce que fait Burton pendant tout le film. C'est que moi, je trouvais que dans Alice au Pays des Merveilles, le problème c'est qu'il s'était plié au diktat de Disney et finalement il avait fait cette espèce d'histoire fantastique Alice, de Lewis Carroll. Oui, mais justement, les thématiques de Dumbo sont beaucoup plus proches de ce que c'est traité Tim Burton. Je suis pas d'accord parce que Alice au Pays des Merveilles, déjà Lewis Carroll parlait déjà de marginalité, parlait déjà de fantastique, de rond parallèle et tout ça. Burton aurait dû savoir faire ça, mais il était plus intéressé que ça par l'œuvre de Carroll. Il l'a dit lui-même. C'est plus compliqué que ça. Il la cite dans énormément de ses œuvres, notamment dans Beetlejuice. Donc, à mon avis, il le dit ça un peu pour mettre sous le tapis le problème qu'il est pas totalement, il est main libre. Mais ça, c'est autre chose. Mais justement, je trouve que Dumbo, moi, c'est l'inverse. Parce que Dumbo, au lieu de faire un film qui aurait pu lui plaire, mais dicté par Disney et donc pas fonctionner, là, il renverse complètement la cadence en retirant tout ce qu'il y a de magique dans le dessin animé, dans l'histoire originelle, en gardant seulement l'éléphant qui vole, parce qu'effectivement, sans l'éléphant qui vole, il y a très peu de... Il reste très peu de choses, il n'y a pas de film. Donc, à part ça, c'est ce qui est formidable, c'est que même à la fin, quand est-ce qu'on peut spoiler? Je ne sais pas si on peut spoiler. Est-ce qu'on a le droit de spoiler? Bon, tout le monde connaît Dumbo. Parce qu'à partir de la première heure, c'est plus Dumbo quoi. Voilà, donc, c'est ça. Ouais. Le souci, c'est on s'écarte complètement de l'histoire. Ok. C'est le point fort du film. Hein. Ok, je vais faire en sorte de pas spoiler. Disons que d'aller ce qui fait du parc d'attraction, de l'image du cirque, c'est complètement anti-Disney. Je trouve que c'est ce qui est formidable dans le film. Moi, je me suis posé la question, comment un film comme ça avait pu sortir de la salle de montage. Mais parce qu'ils s'en fichent complètement. Je vais te dire, Disney, ils s'en fichent complètement que le film qui sorte dise le contraire de ce qu'ils pensent. Tant que le film fonctionne, ils s'en fichent complètement. Black Panther, c'est pourtant un film qui est très très proche de son image. Quand tu vois que là, sur Disney+, il y a plein de... Il y a quand même des films qu'ils ne diffuseront pas. Mais parce qu'ils sont racistes ou parce qu'ils sont aujourd'hui perçus par la grande majorité comme problématiques. Alors qu'aujourd'hui, la grande majorité va pas trouver ce qui est montré dans Dumbo, entre guillemets, problématique. Tu sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un film qui, d'un point de vue moral, est assez juste. Et c'est ce qui fait que Disney le fait passer. Et Disney s'en fout que ce soit une attaque. Il y a quand même cette grosse critique du capitalisme dans le film qui oui, complètement mais ça, aux antipodes de... Tu sais Robocop de Padilla qui avait été produit, je crois, par Metropolitan, le remake de Robocop en 2014, c'était un film aussi profondément anticapitaliste et anticorporatiste. Et ça a pas empêché les gros studios américains de le sortir. Et ça a toujours été le même problème. Et je trouve que c'est la force de Burton, là, c'est quelque part, c'est d'arriver à... Comme dans Mars Attacks, en fait, qui est inspiré d'un jeu de cartes, faut le savoir. À s'emparer de ce machin-là, qui est un truc, par ailleurs, le Dumbo original, en passant au 41, complètement capitaliste. Je rappelle la fin de ce film-là, qui était Dumbo qui devient super célèbre et qui a un avion à lui tout seul et tout ça. Enfin, heureusement qu'il n'a pas gardé cette fin-là, Burton, parce que c'est possible le truc. Ce que Burton en fait, de ce qui fait de l'image du cirque, des capitalistes en général, et de surtout ce qui fait de la réussite de Dumbo, et ce qui s'en sort à la fin ou pas, et comment il s'en sort surtout. L'exploitation animale. Il y a quelque chose vraiment d'assez subversif en fait. Et je trouve que moi, les gens qui disent que Burton ça s'agit depuis des années, faut revoir un peu ses films. Big Eyes parlait déjà un petit peu de ça. Et Sweeney Todd Big Eyes, c'est l'histoire d'un travail volé. C'est quand même, Et Sweeney Todd parlait de marginalité. Enfin, je trouve que les gens qui depuis Alice, qui effectivement était un échec, je trouve aussi, de point de vue burtonien en tout cas, ne voient dans Burton plus qu'un type cynique qui dit le contraire de tout ce qu'il a toujours fait, ils parlent toujours de marginalité. Je veux dire, le Miss Peregrine, ça ne parlait que de ça. Et je trouve que là, il revenait à ses origines, puisqu'il y avait quasiment une espèce de scène de squelette en stop motion à la Jason et Argonaut. Et là, Dumbo, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est ce qui fait que le film est émouvant, parce qu'en plus, il est réel. C'est-à-dire qu'il y a Frankenweenie, une petite différence. Oui, la marginalité, on y oui, bah, Frankenweenie, ça parle que de ça, c'est pareil. Ouais. Donc moi, je trouve que j'ai toujours un petit problème avec ces critiques qui sortent sur le nouveau Dumbo. C'est pire que ça, parce que c'est la marginalité dans un monde qui est déjà marginal. Parce qu'ils ont tous des tronches. Comme dans les noces funèbres aussi, c'est ça. Les noces funèbres, ils ont tous des tronches à couper au couteau, et c'est tous plus médiocres que les médiocres, ils sont tous plus marginaux que les marginaux. Et c'est ce type-là qui est plus marginaux que les autres qui va découvrir le monde des morts, qui est quasiment autre chose. Et là, je trouve que... j'ai toujours du mal avec ce que j'entends de Burton à chaque fois qu'il sort un film. Ah, c'est enfin le grand retour, machin. Parce que moi, ce qui me pose problème, c'est pas qu'on dise que ce soit le grand retour alors que c'est pas vrai, c'est toujours le grand retour. Mais c'est parce que Burton fait toujours des grands films. Et le problème, c'est que depuis Alice, il y a cette perception cinéphile de Burton comme un type cynique parce qu'il a raté un film. C'est quand même problématique, je trouve. Et là, Dumbo, qui effectivement est une commande, ce qu'il arrive à en faire en termes de message politique et subversif. Et l'espèce de désenchantement finalement du film, je trouve que c'est vachement intéressant, quoi. C'était vachement surpris par ça. Mais sachant, je voulais juste dire que en fait, faut pas chercher plus loin que chez Disney eux-mêmes, le fait qu'ils sortent des films qui critiquent eux-mêmes. On prend l'exemple de Tron, le premier. Absolument, Tron. Absolument, ouais, tout à fait. Justement, le premier Tron est complètement anticapitaliste. C'est vraiment alors que c'est produit Disney, etc. Et celui-là, ils le ressortiront. Je suis sur Disney, je pense. Même John, le premier Tron, ils le ressortiront sur Disney Plus. Oui, je pense aussi. Même Lone Ranger qui était anticolonialiste et tout ça, tu vois Disney sortir un truc anticolonial, tu souris, quoi. Pareil, quoi. C'est-à-dire que je pense pas que ça choque Disney. Et je pense pas, d'ailleurs, Burton, il fait pas ça pour faire chier Disney, il fait ça pour faire passer un message. Moi, les gens qui me disent « Ah, bah, c'est bien drôle, j'ai lu ça sur Twitter. » Moi, je l'ai pas vu comme une critique à Disney, c'est juste que ça m'a surpris qu'une firme comme Disney n'ait pas plus posé son mot que ça, en fait. Mais moi, j'ai lu ça sur Twitter, des gens qui disaient que « Oh, bah, il est bien gentil, Burton, mais en attendant, son Dumbo va servir à vendre des peluches ou je sais pas quoi. » Je dis « C'est pas le sujet, quoi. » L'idée, c'est pas d'emmerder Disney. C'est surtout qu'il y avait même pas besoin de Dumbo 2019 pour vendre des peluches à Disneyland. Donc c'est d'ailleurs moi quand tu vois le film, est-ce qu'à la fin t'as envie d'acheter une peluche Dumbo quand tu vois le film? Moi je trouve que à un moment faut aussi avoir des peluches. En plus les peluches Dumbo tu les vois dans le film. Ouais absolument, oui, tu vois ce qu'ils en font à la fin, quoi. Mais bon bref, tout ça pour dire que moi j'ai toujours un problème avec cette espèce de préjugé qui est devenu quand on analyse Burton aujourd'hui comme un type qui se serait trahi. Moi je trouve que le message de Dumbo est très proche de Mars Attacks. Et dans le terme de la marginalité et du freak, très proche de Edouard Main d'Argent aussi. Ah oui, pour moi c'est certainement son film le plus proche d'Edouard Main d'Argent. C'est possible, ouais, parce qu'il y a vraiment encore que Les Funèbres est vraiment très très proche aussi. Hein. Mais d'ailleurs, d'ailleurs en fait tous ces films sont proches parce que le personnage s'appelle Edouard et en fait c'est un peu les films dorés de Burton à ce niveau-là. C'est tous les films qui rapprochent le personnage principal s'appelle Edouard. T'as aussi Big Fish. C'est vrai. Putain, j'avais pas fait le lien avec ça. Pourtant, j'ai vu tous ces films. Les Noces Funèbres, Edouard Main d'Argent, et je crois, Ed Wood aussi, bien sûr, qui est l'ode à la marginalité aussi. Je trouve que Dumbo, c'est plus le fait que ça parle de marginalité, et c'est plus outrancier peut-être que dans Big Eyes ou dans Miss Peregrine, mais c'est pas pour autant que c'est un retour en force ou c'est une contradiction. Pour moi, c'est juste un. Dumbo, c'est la continuité naturelle de tout ce qu'a toujours fait Burton, et je trouve que c'est très intéressant. Oui, non, mais c'est clair, c'est vraiment, enfin, franchement, je m'attendais pas à un aussi bon film, clairement. Et Elfman fait toujours un travail formidable, hein. C'est vraiment un très grand compositeur, et je pense que c'est peut-être le plus grand compositeur de l'ère moderne, peut-être avec Desplat, qui est vraiment très bon aussi, mais Elfman, il est vraiment, c'est un grand compositeur. Moi, ouais, j'adore Elfman, enfin j'adore toute la musique dans le film, même si je suis pas un fanat de musique de cirque, je trouve que ce qu'il en fait est plutôt vraiment très bon. Il n'a pas tant Oui, parce que c'est pas vraiment de la musique de cirque en fait. Oui. C'est détourné, c'est assez lyrique et dramatique et très lyrique. Moi, je trouve que les scènes de vol avec Eva Green, elles sont magnifiques, quoi. Oui, mais en même temps, c'est ce que je craignais, et c'est même pas ridicule de voir un éléphant voler. C'est fait tellement. C'est fait en fait de manière naturelle, et surtout, tu vois qu'il est un peu balourd, tu vois. C'est pas hyper gracieux comme dans le dessin animé original. Tu vois bien qu'il y a quelque chose de désespéré et de réaliste c'est surtout dans la manière dont il vole, quoi. Il sait voler, mais il est capable de voler parce que c'est sa morphologie qui lui permet. Mais le film montre bien qu'un éléphant n'est pas censé voler. Il y a vraiment ce rapport avec la plume là tout le temps qui vient rappeler que en fait Dumbo c'est juste un petit éléphanto comme les autres, c'est juste un petit peu différent, mais il est capable de faire d'autres choses et on attend que ça de lui en fait. Ouais, et en plus arrêtez-moi si je me trompe, mais ce rapport avec la plume est très différent du rapport original, parce qu'il me semble que dans le film original à un moment on découvre qu'il peut voler quand même sans la plume, je crois, à la fin du film original. Oui, si je me trompe pas. Il me semble que dans le film original, il aspire la plume. Ouais, c'est ça. Et je crois pas que dans Dumbo on découvre ça. Je crois que dans Dumbo, jusqu'au bout, il a besoin de la plume. Hein. Je crois. Hein. Dans Dumbo 2019, il s'est pas volé sans plume. C'est ça. Donc il y a vraiment quelque chose de désespéré. Et bon, évidemment, c'est pas réaliste parce qu'avec ou sans plume, tu voles pas. Mais il y a quelque chose du Dumbo. Dumbo a besoin d'un ancrage dans la réalité pour arriver à voler. Ça, c'est vachement intéressant, quoi. Ça montre que c'est quasiment pas un film fantastique, tu vois. Mmh. Pour moi, quand il va sauver les enfants, il vole pas. Hein. Il a pas de plume. Absolument. Si, je crois que c'est. Si, Axel. Faudrait revoir. De toute façon, c'est pas essentiel dans l'argumentation, mais pour moi, il y a quand même quelque chose de très désespéré et très réaliste et qui en fait un film. La plume, elle a brûlé. C'est possible, ouais. La plume, elle brûle. Ouais, c'est possible. Et en même temps, j'ai envie de dire que même s'il n'utilise pas la plume, ça enlève rien. Oui, moi, c'était simplement une idée que j'avais en plus, mais si la plume brûle, c'est autre chose. Mais de toute façon, tout ça pour dire que pour moi, ça va avec le maquillage un peu mal foutu d'Eva Green dans le film, ou les espèces de machins horribles qu'ils mettent sur les gueules de Dumbo à un moment. Ah mais ça c'est fait exprès. L'aspect bedonnant de Vito et tout ça, pour moi, ça qui est vraiment surfait. C'est sûr que de Vito est pas bedonnant à ce point-là. Ils lui ont rajouté un coussin ou un truc comme ça. Oui. Je trouve qu'ils sont tous un peu poussés à l'extrême exprès parce que ça fait encore une fois désenchantement, quoi. Et je trouve que le film est très désenchanté. Michael Keaton avec son espèce de perruque blanche là, c'est à quelque chose de très triste. Michael Keaton n'a jamais eu autant de cheveux depuis Batman. Ouais. Et je trouve que ce que nos films nous montrent du Dumbo qui a perdu sa maman, Julien Lepers s'est bien converti d'ailleurs. Dumbo qui est ce qu'on nous montre de Dumbo qui est marginalisé et qui a perdu sa maman et qui est triste, et Burton qui décide de nous montrer que quand il est plus marginalisé, en fait c'est encore pire, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très subversif et de très encore une fois très désenchanté, c'est vachement bien, je trouve vraiment. Mais c'est super bien fait, enfin c'est super vraiment bien fait. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que si je me trompe pas, c'est la première fois que Burton s'attaque au cirque. Non, il y avait quelque chose dans Big Fish, David DeVito jouait déjà un directeur de cirque. Ça se passait beaucoup dans un cirque, Big Fish. Et ça ressemblait, le personnage est quasiment le même, en plus, c'est la même tenue. Oui, je suis d'accord. Non, c'est moi qui me suis trompé, pardon. Mais oui, c'est pas un sujet qui le fascine, c'est ça que tu voulais dire, peut-être. Oui, effectivement, on n'est pas habitué à le voir là-dedans, quoi. Non, mais je sais qu'il apprécie Freaks. C'est un film préféré, comme tous les gens. De toute façon, il y a un vrai hommage, il y a un vrai. Toi, Adrien, qui regarde American Horror Story, moi j'y ai vu. Bon, c'est pas des références à American Horror Story, mais la saison 4, il y a un vrai hommage aussi à tout ça, au cirque de monstres dans ces années-là en Floride. Il y a une parenté esthétique, c'est sûr, oui, je suis d'accord avec ça. Oui, voilà, et moi j'aime beaucoup le fait qu'il s'y est très bien attaqué et de manière très intelligente, je trouve. Sinon, niveau casting, moi j'ai, voilà, à part la petite fille, j'ai trouvé que tout le monde était très très bien, justement. Comme tu disais, Adrien, ils sont un peu. Ils sont beaucoup trop dans leur. au niveau du maquillage, etc., c'est exagéré, voilà. Il y a toujours eu beaucoup de maquillage chez Burton. Il y a une note d'exagération même dans le jeu des acteurs, je trouve, mais qui ne fait pas non plus mauvais jeu, en fait. Ça fait pas tâche parce que j'ai trouvé Eva Green peut-être plus dans la sobriété que d'habitude. Oui, il a fait moins jouer une femme fatale que d'habitude. Là, il y a quelque chose de très réel dans son personnage, de pas du tout archétypal, en fait. On n'est pas habitué à l'avoir joué ça, oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié le film. J'ai pleuré comme une madeleine à la fin, bien sûr. Oui, c'est très triste comme film, très triste. Voilà, c'est très triste. Voilà, moi le fait qu'on ait adapté un de mes films préférés de Disney et de manière aussi intelligente, ça me fait plaisir en fait, vraiment. Il y a quand même. Je suis assez d'accord. Il y a une satisfaction de ce côté-là. Voilà, parce que il y avait, moi très honnêtement, j'ai beau par exemple apprécier La Belle et la Bête, la version live, aussi, hein. J'avais beau me dire que Dumbo c'est un sujet que je trouvais quand même fait pour Burton par rapport à si je dois comparer à d'autres films qu'il a pu faire par le passé. Moi dès le début, enfin ça me rappelait beaucoup Édouard aux mains d'argent sur plein de trucs. Et c'est pour ça que ça m'inquiétait pas trop en fait. Ce sujet-là dans les mains de Burton ne m'inquiétait pas trop. Parce moi que j'avais peur qu'il nous refasse un Alice quand même. J'avais un petit peu peur qu'il se laisse un peu plier. Ah oui, non, je pense. Moi, je m'attendais à quelque chose de comme ça, d'un petit peu plus intimiste et un petit peu plus... moins dans la grandiloquence. Ça ne veut pas pour autant dire que le film n'est pas impressionnant sur le plan visuel ou tout ça, mais je m'attendais... Non, moi je ne m'attendais pas à Alice. Mais par contre, j'avais toujours cette crainte de retrouver une adaptation live de Disney assez lambda et que ça n'aille pas plus loin. Plan par plan, Roi Lion quoi, parce qu'on n'a pas vu le Roi Lion, on sait très bien ce que ça va être. Le Livre de la Jungle et tout ça. Cendrillon, ça dépend sur quoi. Alors c'est assez proche, mais c'est un peu comme La Belle et la Bête, c'est que ça étoffe quand même plus de trucs. Ça étoffe, mais ça va pas non plus chercher. Celui qui est plan plan, c'est Livre de la Jungle, qui est très très plan plan. C'est vraiment la même chose quoi. Mais que je trouve pas désagréable à suivre, curieusement. Moi j'aime bien. Mais j'adore le film original aussi. Moi je suis pas fan de l'original, mais alors celui-là, là. Dumbo, j'irais pas le classer un peu comme Maléfique où finalement ça reprend quelque chose en racontant en plus ou différemment. C'est surtout que je trouve que c'est une adaptation classique. Du film d'animation pendant on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure ça part complètement ça poursuit en fait là où s'arrêtait le film d'animation et c'est je trouve toute la force en fait du film c'est de le prolonger en fait c'est une idée toute bête mais c'est très logique comme procédé je trouve de le prolonger et même de le contredire encore une fois ça paraît naturel aussi ça paraît pas surprenant, et c'est surtout que et quand tu parlais par exemple des petites souris au début il y a le cahier des charges est respecté parce que toutes les références au film de 41 sont là. On voit les petites souris on voit pas les corbeaux c'est vrai on voit pas les corbeaux dans le film non mais ils avaient peur que ce soit d'ailleurs perçu Disney comme Plus raciste, apparemment verra sa scène retirée de ce qu'il est en train de se dire, je trouve ça absolument aberrant parce que déjà le film n'est pas long, mais alors là pour le coup il fera même pas une heure. Parce qu'il y a des caricatures, il y avait une réutilisation de caricatures racistes et tout ça. Mais à ce moment-là, il faut retirer Blanche-Neige du catalogue Disney parce que c'est une image de la femme complètement erronée. Moi je pense qu'il aurait fallu mettre au début du film un carton. Il faut les replacer dans leur contexte d'époque aussi. Pour moi, il aurait fallu mettre un carton au début en disant certaines des scènes machin sont, tu vois. Évidemment. C'est encore une façon pour Disney d'effacer les heures les plus sombres de leur histoire, comme à l'époque où Disney, dit-on, avait un petit peu collaboré avec certains Allemands. Oui, bon. C'est vrai, c'est pas mal. Du coup, par rapport à Dumbo... Non, tu es censuré. Et du coup, par rapport à Dumbo, donc on parle du capitalisme, on parle de tout ça, mais après, moi, là où j'étais quand même heureux, et je me doutais que le film en parlerait, mais je pensais pas qu'il irait jusque-là, et qu'il le ferait aussi bien et aussi subtilement, c'est que c'est encore une fois c'est un film qui est utile je pense aussi pour la cause animale en fait, tout bêtement, parce que Dumbo a beau être un éléphant extraordinaire qui sait voler et tout ça, ça reste un animal et Burton n'a pas peur d'être assez cru dans le traitement des animaux dans le film, enfin je veux dire sa maman elle est quand même assez maltraitée. Enfin, de toute façon, le dressage des éléphants est très très dur dans la réalité. N'allez surtout pas monter sur un éléphant si vous allez en Inde ou à Bali. Enfin, faut pas donner d'argent à ça quoi. Mais et le film il parle pas de ça, mais il montre, il arrive. En fait, Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il arrive vraiment à faire ressortir toute la sensibilité de ces animaux-là, parce que les éléphants, c'est vraiment des animaux, en plus, qui sont très... les éléphants pleurent leur mort. C'est quand même, ouais. Il y a pas beaucoup d'espèces qui le font, qui le montrent comme ça. Et les cimetières d'éléphants, c'est une réalité, par exemple. Et je trouve que le film montre aussi très bien ça. Et ensuite, il y a une volonté technique, je pense. Alors là, je spécule, mais hormis les chevaux et les chiens dans le film, tous les animaux du cirque sont en CGI. Ouais. Et je trouve que dans ce que ça raconte, c'est aussi une manière de dire. En même temps, je pense qu'il voulait pas. Enfin oui, voilà, parce qu'il raconte ça. Déjà, il voulait pas en utiliser parce que. Il voulait pas être hypocrite. On va quand même pas exploiter des vrais animaux dans un film qui dénonce l'exploitation animale. Oui, là, pour le coup, moi, je veux bien les paradoxes hollywoodiens, je veux bien, mais là, ça ferait gros. Là, c'est. Voilà. Et c'est surtout que non seulement il y a ça, mais c'est qu'en plus ça a le message. En fait, je trouve le fait de pas en intégrer. C'est tout bête, mais ça participe aussi à dire. Inconsciemment, je pense que tu te dis, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai éléphant dans le film, mais en même temps, c'est logique, quoi. Ouais, contrairement à de l'eau pour des éléphants qui en utilisaient et qui racontait bien, quand même, qui racontait bien aussi l'univers du cirque et tout ça. Mais moi j'ai apprécié aussi toute cette dimension là, et c'est pas lourd. Non. C'est bien. Enfin, c'est fait de manière intelligente, hein, comme on disait sur tous les points. Je trouve que les messages véhiculés par le film sont faits de manière intelligente et il appuie pas trop non plus. Ça fait pas lourd. C'est vraiment bien fait. Disons qu'en fait, Dumbo. C'est un film assez subtil. Hein. Ouais, je suis si tu dois comparer en fait par rapport à Alice au Pays des Merveilles, qui est la dernière commande de Disney par rapport à Tim Burton, parce que Frankenweenie, c'est un projet quand même bien à lui. Oui, Frankenweenie, c'était même une espèce de revanche sur Disney qui avait refusé de le financer à l'époque. Hein. Oui. Voilà. C'est pas une commande. Si je dois comparer les deux, c'est avec Dumbo. Dumbo, en fait. Dumbo n'a pas l'outrance en fait d'un Alice au Pays des Merveilles, et tant mieux. Oui. C'est beaucoup plus subtil en fait tout le temps. Bah oui, même c'est burtonien, quoi. C'est ça la vraie différence, c'est que le message et est burtonien. Et c'est burtonien surtout. Oui. Et c'est un vrai film de Tim Burton. Là où c'est Alice au Pays des Merveilles, même si je déteste pas. En fait, Alice au Pays des Merveilles, c'est pas que je n'aime pas le film, je peux l'apprécier. Oh bah ça se regarde, mais, hein. Mais pour moi, c'est que c'est pas un bon film de Tim Burton. Bah ouais, c'est ça. C'est plus problème, ça en fait qui m'emmerde. Ouais. Alors, c'est peut-être oui, con, je suis d'accord. Non, t'as raison, t'as parfaitement raison. La BO d'Alice au Pays des Merveilles, je l'écoute très souvent parce que pour moi, elle est très très belle. Elle est très belle, effectivement. Et après, juste pour finir, tu parlais de Colin Farrell. Et ben, je trouve qu'il joue parfaitement les pères de famille. Ça m'a beaucoup fait penser à Dans l'ombre de Marie. Alors bon, il est un peu plus destroy dans l'ombre de Marie parce que c'est le personnage qui veut ça. Mais je le trouve attention en fait, parce très que crédible. Je vais relancer sur le révisionnisme, hein, Eddie. Hein. Fais gaffe. Hein. Par rapport à quoi? Oui, parce que l'ombre de Marie, ça montre aussi une image de Disney qui était positive que. Oui, non, mais. Ah oui, non, mais ça. Oui, c'était pour t'embêter que je disais ça. Hein. Ouais. Ah oui, non, puis je le sais, sais parfaitement. Hein. Moi, j'aime le film, mais je reconnais que. Mais c'est. Non, je te. C'est un juste, peu de la propagande. Colin Farrell, je trouve qu'il est très à l'aise, en fait, là-dedans. Je trouve qu'il est à l'aise pour jouer avec des enfants, en fait. Ça paraît très naturel. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais c'est un très bon acteur, Colin Farrell. Hein. Ouais. Moi, je trouve pas qu'il soit. Ah bon, d'accord. Ça dépend de quoi. Mais ça dépend des films. Hein. Ça dépend des films. Voilà, quoi, rien dire de plus. Après, oui, il y a le plaisir de retrouver Michael Keaton. Bon, Michael Keaton en méchant, moi, je trouve que ça fonctionne toujours bien. Ah oui, ouais. Et après, voilà, quoi. Ça fait plaisir, oui, de voir un film comme ça et de voir que enfin un Burton recommence à faire un peu l'unanimité. Genre, j'ai pas vu beaucoup de mauvaises critiques, donc ça fait plaisir. C'est vrai. Aussi. C'est vrai que c'est un peu chiant de. Enfin, moi, en tant que fan de Tim Burton, ça me gonfle de le voir se faire descendre à chaque fois, alors que Adrien en a très bien parlé, hein, mais. C'est chiant de fustiger des gens qui sont créatifs et n'en censer d'autres qui ne sont surtout pas. Surtout sans comprendre tout, ce qu'ils disent, quoi. Parce que pour moi, dire que Burton s'est trahi depuis des années. Non, c'est pas vrai. Enfin, il dit toujours la même chose, il le dit juste avec plus ou moins subtilité et plus ou moins frontalement, c'est tout. Mais à part dans Alice, où effectivement il y avait vraiment un message très, très, très, très sublimé qui, du coup. faisait vraiment contradictoire. Le problème d'Alice, c'est que c'était pas très inspiré, quoi. Voilà, c'est ça. À part ça, même la planète des singes, il y avait quand même une volonté de revisiter tout ça. Je trouve que les gens, ils crachent un peu dans la soupe, quoi. Je sais pas comment mais de toute façon, puis même la planète des singes, pour moi, la planète des singes de Burton, c'est celui qui a la fin la plus proche des... Déjà, c'est la fin la plus proche du roman, et c'est peut-être la fin la plus intéressante, en fait. Absolument, sachant qu'en plus, Burton l'aime pas, celui-là. Je l'ai vu dans des entretiens avec Salisbury, que je recommande d'ailleurs, qui est un bouquin formidable. Il regrette pas mal la planète des singes, hein, en tant que commande et tout ça. Il dit que c'est le film qu'il a moins aimé faire. Et pourtant, c'est un film qui est vachement soigné, quoi. Moi, je veux dire, si tous les réalisateurs pouvaient faire des daubes comme ça, j'en prendrais tous les matins, très sincèrement. Qui ça, pardon? Je veux dire, si tous les réalisateurs pouvaient faire des daubes, entre guillemets, comme ça, moi, j'en prendrais tous les matins, hein, très sincèrement. Oui, oui. C'est clair. Voilà, bon, ben, on a dit à peu près tout ce qu'on pensait de Dumbo, on a tous aimé. Voilà, et je pense que c'est la version live la plus légitime de Disney jusqu'à présent. Oui. C'est, ouais, ce voilà. C'est ce que j'ai pensé en absolument, sortant de la salle. Parce que, ouais. Franchement, j'avais pas vu de Disney live comme ça. Enfin, voilà. Même moi, ayant apprécié La Belle et la Bête, je sais reconnaître. Oui, moi aussi, tu vois, j'aimais La Belle et la Bête. C'est-à-dire qu'on n'est même pas réfractaire au Disney live. Bon, je déteste Le Livre de la Jungle, mais c'est comme ça. Mais on n'est pas réfractaire au Disney live. Mais c'est juste que là, il y a quelque chose, quoi. Il y a une vision. Moi, c'est pareil, je suis pas réfractaire. Alors, si on doit faire un point sur les Disney live, je ne suis pas réfractaire au Disney live. Je suis réfractaire à la tendance qui veut que tout soit réadapté en live. Oui, je suis d'accord. Mais moi, quand on m'a sorti les 101 Dalmatiens en live, mais j'avais trouvé ça super, enfin petit moi je j'avais enfin oui parce que je les revois pas du coup mais... si je les ai revus si je les ai revus et je les revois avec mes yeux d'enfant, c'est tout mignon, enfin les chiots et tout, mais c'est pas ben... mais à l'époque il était l'un des seuls à être sorti en live. Oui, bah c'est oui, la tendance en fait là qui énerve les gens, je pense plus. Mais enfin, ça énerve les gens, mais en même temps tout le monde va les voir. Oui, donc, c'est nous que ça énerve. Très sincèrement, les gens ça va, hein, tout va bien. C'est plutôt la tendance qui est énervante. Ouais. C'est pas le fait de faire des lives. Et en l'occurrence, je trouve qu'un film comme Dumbo qui date de 41 a plus de légitimité à être refait aujourd'hui en live que par exemple Le Roi Lion qui est sorti il y a 94. Bah oui, c'est pas vu. Enfin, c'est pas si vieux que ça, quoi. Ouais. C'est clair. Donc, ouais, c'est sûr. Ouais. Alors que là, le Aladdin qui sort, là, par exemple, là, moi, les images qu'on a vues pour l'instant, c'est. Mais moi, j'ai même pas envie d'y aller. Oh là là là là là là. Ça, c'est quand ils filent des trucs à des gens qui sont pas des réalisateurs aussi. Moi, je veux bien. C'est qui le mec qui a fait ça? C'est Gary Chu. Non, en live, moi, c'est la version Mulan que j'attends, principalement. Ouais, moi aussi. Les autres m'intéressent pas. Moi, j'attends de voir le casting, hein, parce que si c'est pour nous mettre des blancs avec du maquillage. Non, non, c'est un casting asiatique, c'est confirmé, on a les premiers noms. Non, justement, ils ont l'air de partir dans une bonne direction. Mais attends, mais ils vont pas non plus. Enfin, ils bah sont non, pas heureusement, bêtes. Heureusement, hein. Ils sont pas bêtes, ça reste à prouver. Non, mais s'ils le font pas, tant mieux. s'ils le font, tant mieux. Non, ils font. C'est une réalisatrice en plus, je crois. Asiatique. Ah bah très bien. Au moins, ce sera un petit peu. Nikki Caro, je crois qu'elle est asiatique. Ok. Bah, tu vois, je suis mauvaise langue. En plus. Pour mon film Disney préféré, ils ont intérêt à faire bien. Voilà. Ah ouais, par contre, Mulan, je pense que je pourrais être assez. La Belle et la Bête, vu que c'était. C'est Mulan. Ah ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Non, moi, je sais pas ce que c'est. C'est une histoire de Jack. C'est Tarzan, magique, mon film. Non, mais ça, c'est parce que tu. Ouais, ça, c'est parce que tu veux être complètement différent de tout le monde. Ouais, ouais. Moi, mon Disney préféré, c'est Shrek. Shrek 2. C'est Song of the South, ça. C'est... Ouais, bah, bien sûr, mais attends. Mélodie du Sud. Ouais, voilà, non, c'est non, ça. Non, mon Disney préféré, c'est celui qui traîne sur YouTube là, avec Donald qui a une croix gammée, là, tu sais, tu l'as pas vu celui-là? Ouais. Hey, fais gaffe, hein, parce que je te le trouve. Ouais. C'est mon oncle d'Allemagne qui me l'a envoyé. Ouais, celui-là, il est d'Allemagne. Bon, on est parti complètement en délire, mais c'est pas grave. Voilà, Dumbo vous recommande franchement si tout vous ça pour avez dire que c'était très bien. Voilà. Adrien, je sais pas ce qu'il fait dans son micro, mais c'est assez insupportable. Ah bon, excusez-moi, je fais du bruit. On a l'impression que t'es sous oxygène en fait. Ou t'as des castagnettes ou je sais pas. Désolé. Non. Du coup, moi je voulais conseiller aux gens qui étaient peut-être réfractaires à l'idée d'aller voir Dumbo parce que c'était un Tim Burton Disney ou alors parce qu'ils avaient vu les images et ça leur paraissait pas ouf. Franchement, donnez-lui sa chance parce qu'il le mérite, je trouve. Bon, il a pas besoin de nous pour gagner des millions de dollars. Il a bien marché. Ça fonctionne bien, c'est vrai. Mais voilà, si vous avez été réfractaire, on est tous les trois à avoir pensé vraiment. Et disons moi, s'il y a un Disney là, il va soutenir, c'est celui-là, quoi. Absolument, ouais, voilà, c'est absolument. Ça. Et moi, j'ai été le premier surpris à apprécier autant le film. Mm. Donc voilà. Et s'il y en a qui veulent pas, parce que j'ai une amie qui ose pas aller le voir parce qu'elle a peur de que ça soit trop triste. Le premier l'a fait trop pleurer. Moi, ouais. J'ai trouvé ça moins triste. On en parlera. Mais en non, mais c'est de que c'est la pas, c'est que pas que la même ce que c'est pas triste de la même manière. Voilà. Moi j'ai pas pleuré. J'ai une théorie sur la fin qui fait que le film en fait il finit très mal, mais je vous en parlerai. Ça m'a ému, mais pas au même titre que, ouais. Que différemment. Oui, non, pas au même titre que l'autre, mais d'accord. Voilà. Donc on a fini sur Dumbo et du coup on va passer à la dernière rubrique de ce podcast qui est la minute nerd. C'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast, c'est la Minute Nerd, et ce mois-ci, c'est à Eddy, donc vas-y, surprends-nous pour cette Minute Nerd. Alors, moi j'ai choisi de vous parler de Abzu. Abzu, c'est un jeu vidéo qui est sorti en 2016, qui est produit, je sais plus, alors c'est un studio indépendant qui avait joué, qui avait produit Journey. Ah oui, ok, je vois. Voilà. Donc c'est alors... visuellement c'est très particulier. Moi j'ai beaucoup aimé. Et donc un rapide pitch. Si Internet c'est, vient. Dead Game Company qui a réalisé, enfin qui a développé le jeu. Giant Squid. Voilà, ouais c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai moi. Bon alors ma page ne veut pas charger, mais bon grosso modo c'est en grosso modo on est dans la peau d'une plongeuse. Et on évolue en fait dans les fonds marins. Ouais. Donc il y a très peu de commandes. Ça se joue, tu peux le jouer à la manette ou à la souris. Il y a très peu de commandes. T'as pas d'a... Enfin, c'est pas, bon, c'est pas Assassin's Creed par exemple pour le oui. coup, vu qu'on parlait ouais. de ça. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus sur. C'est très basé sur l'intuition et la contemplation. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Donc au départ on se dit bah, c'est juste un jeu qu'on va explorer les fonds marins, modéliser et tout, que c'est assez joli, que c'est vraiment basé sur la poésie et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, il y a une histoire très simple qui se met en place et qui raconte énormément de choses sur l'homme et son rapport à la nature. J'en dirai pas plus. Et franchement, je vous invite à le faire si vous connaissez pas. Ça se fait, ça dure pas longtemps. Hein. La durée de vie, c'est deux heures et demie, pas plus. C'est vraiment, ça se vit vraiment comme une histoire en fait interactive, sans parole, où t'es amené à contempler et à réfléchir en fait. C'est un genre de rêve un peu quoi. C'est très onirique. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'en ai même fait une petite critique sur Sens Critique, s'il y en a que ça intéresse, où c'est un petit peu plus développé. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, c'est que ça sort vraiment des codes des jeux vidéo. C'est vraiment sur l'intuition. Il y a pas beaucoup de commandes. C'est vraiment un truc que tu vis différemment. Et ça fait du bien en fait. Ça joue beaucoup sur la musique, il me semble. Oui. Enfin, c'est souvent ce genre de jeu. Il y a des séquences très oniriques comme ça. Il y a des moments où la plongeuse demande déjà, tu peux t'accrocher, par exemple, tu peux nager avec des poissons un peu plus gros, genre les dauphins, les orques, les requins baleines, tous ces poissons un petit peu plus gros. Puis il y a des moments où tu passes dans des bancs de poissons et donc t'as les courants qui t'entraînent, c'est super beau. T'as toute une vie sous-marine comme ça et qui, au final, tu avances dans une histoire qui a toujours une part de sombre et qui va prendre tout son sens en fait au fur et à mesure. Et moi, franchement, ça m'a happé. Et je l'ai vraiment. C'est pas un jeu que tu fais, tu t'arrêtes et tu y reviens. C'est, tu le fais d'une traite, ouais, en fait. Oui, voilà. Ouais, mm. C'est une expérience, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est un jeu sur lequel j'ai joué grâce à Origin Access. Mm. Parce que. Tes partenariats ou quoi? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme tu le dis. Pourquoi? Non, mais il était dans. Alors, ma... c'est il était grâce dans à ma... Origin c'est quoi, Access. C'est quoi l'URL? Origin Access, du coup, slash qui est via la plateforme Origin, tu peux t'abonner et tu. Du coup, t'as une bibliothèque de jeux qui se remplit. Ouais. Auquel tu non, peux accéder c'est... gratuitement. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vraiment sympa. Et on... Mais c'est combien par mois? Moi, j'ai. Non, plaisant, tu payes... non mais tu payes tous les ans et c'est. 20 euros, quelque chose comme ça. Non, le basique, c'est 25 euros par an, je crois. Ouais, oh, voilà. C'est raisonnable. Ah oui, oui. Mais déjà, sur le basique, t'as pas mal de trucs. Donc, C'est l'enfoiré. Voilà. Non, bah, moi, je me dis que si ça peut te permettre d'élargir tes horizons de. Mais oui. C'est vrai, si vous l'avez et vous ne l'avez pas vu dans votre liste de jeux, testez-le parce que il est vraiment. Enfin, moi, je n'ai pas eu le temps de le finir. J'avais commencé et c'était vraiment sympa. Ah oui, tu l'as, d'accord. Oui, mais j'ai pas pris le temps de le finir. Mais, alors, n'allez pas chercher le nom du. N'allez pas chercher Abzu sur Wikipédia. Parce que du coup, ça peut vous amener sur des pistes de l'histoire et vaut mieux la découvrir par soi-même. Et après, aller faire une petite recherche éventuellement, mais... Voilà. D'accord, ouais. Donc c'est A-B-Z-U, voilà, au cas U où... U avec un accent circonflexe. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui auraient besoin, de toute façon, tous les liens seront dans... Le lien promo sera dans l'émission. Non, mais on rigole, il n'y a pas de lien promo, on n'est pas sponsorisé par... Écoutez, si vous abonnez le compte Twitter, c'est moins 25%. Non, mais dans Origin Access, j'ai pris Star Wars Battlefront. Bon, bah, clairement, je me fais chier sur Battlefront, parce que moi, les histoires... Pardon c'est, non. Moi je trouve que t'as pas quoi j'ai pas bien compris ce que t'as dit, c'est pour ça Star Wars Battlefront. Oui non c'est j'ai le cru jeu que t'avais dit Star Wars en fait. Battlefront voilà tu choisis une carte et puis t'as des ennemis à abattre. Bon, moi ça m'emmerde en fait, moi j'aime bien qu'il y ait une histoire, voilà. Donc bah du coup j'ai fait Abzu et c'était plus sympa. Voilà, mais je t'Abzu de tes péchés. Voilà. Oh, elle est bien. Morgane serait fière. Putain, ouais, là, c'est. Ouais, ça manquait un jeu de mots. Bah oui. Donc, voilà. Ben, tous les liens seront dans la description du podcast. Voilà. Et ben, on a fini sur cette minute nerd. Merci, Eddy, d'avoir partagé tes sagesses vidéoludiques. Pour une fois que j'avais. En plus, celui-là, il était prêt depuis longtemps. Mais ouais, du coup, voilà. On va finir le podcast. On passe directement à la fin. On est donc à la fin de ce podcast Movies Nerd numéro 49. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que ce podcast vous a plu. Merci à notre invité, toujours Adrien. Eh ben, je vous en prie. C'est un plaisir d'enregistrer avec toi, toujours. Et ben, merci aussi à Eddy, à mon fidèle comparse. Qui est toujours là rien. À mes côtés. Malgré vents et marées. La voilà, distance surtout. Oui, c'est ça. Donc voilà, on va... À nous deux, nous sommes l'ouest et le... et l'est. Moi, je suis carrément au milieu. Et ben voilà, tu vois, c'est parfaitement aligné. C'est, voilà, moi, j'aime bien quand c'est feng shui comme ça. C'est voilà, bien. C'est ça. C'est yin-yang. C'est parfait. Donc voilà, on va vous rappeler tous les liens où vous pouvez nous suivre. Donc, le site, c'est moviesnerd.net. Vous pouvez retrouver les critiques écrites. Aussi les podcasts audio, les émissions vidéo, voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est Movies Nerd sur Facebook et Movies_, donc le tiret du 8, Nerd sur Twitter. Et sur Instagram aussi, voilà, au cas où, si vous voulez suivre. De toute façon, il n'y a rien pour l'instant, hein. C'est juste que je l'ai mis parce que comme ça, personne ne me le vole. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Et ensuite, vous pouvez noter le podcast sur iTunes et PodCloud. Ça nous aide à monter dans le classement des podcasts francophones qui parlent de cinéma. Et ça, c'est vraiment sympa de votre part si vous le faites. Spotify un jour ou pas ? Spotify, c'est un peu compliqué de rentrer si t'es pas... si t'es pas avec une grosse structure, apparemment. Ah mais d'accord, ok. Non, je sais pas. Non, mais j'avais essayé de voir et apparemment, c'est un peu plus compliqué si t'es pas soutenu, si t'es pas parisien, hein, tout simplement. Okay. Non, mais voilà, non, mais peut-être qu'un jour, hein, on sait jamais. Je crois que j'ai dit à peu près tout. Pour moi, vous pouvez me retrouver sur Movies Nerd, sur Twitter, sur Instagram aussi, et Steam, etc. C'est TheLexal, THELEXAN. Voilà. Adrien, dis-nous où tu en es avec tes podcasts. Écoute, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière fois. Hein, donc, c'est toujours sur Twitter, Parker Mitty, donc comme Peter Parker et Walter Mitty. c'est exactement de là que ça vient en plus, hein, j'avoue pas. Oui. Parker Mitty, comme Parker et puis comme Mitty, quoi. Exactement. pour les critiques sur smallthings.fr et pour le podcast, pour l'instant c'est un podcast série, donc Serial Causeur. Alors là en plus en ce moment c'est pas mal, on a pas mal de trucs, on a un podcast sur les adaptations qui est sorti il y a pas longtemps, bientôt un podcast sur l'animation, ça on en a pas beaucoup parlé, et après, avant évidemment le bilan de la saison en juin, donc voilà, ça va, c'est un, l'animation encore, est qu'au niveau des séries. Oui, ouais, c'est ça. Donc ça va être une fin d'année voilà, très active pour Serial Causeur, donc je vous encourage à suivre. Pour For Horsemen, toujours pareil, hein, on n'arrête pas de dire qu'on va revenir, mais pour l'instant, c'est un peu planning, le bazar. Donc, si vous voulez écouter les émissions précédentes, parce qu'on a quand même 3-4 de For Horsemen, vous pouvez, et comme c'est sur PodCloud. Et sachant que iTunes, c'est seulement pour Serial Causeur, que vous pouvez aussi retrouver par ailleurs sur PodCloud. J'ai sans doute pas été très clair, mais de toute façon, les liens seront dans Les liens sont de toute façon dans la description. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Pour le très bien, très bien. Eddie. Comme d'habitude, donc sur Sens Critique, sur Movies Nerd, sur Facebook, sur Facebook de Movies Nerd du coup. Oui. Ouais. Sur YouTube, sur Steam, sur sur YouPlay, sur Origin. C'est Eastark partout. Ok, très bien. Et moi, j'ai aussi oublié Sens Critique, hein, mais c'est la même chose de toute façon. De toute façon, tous les liens sont dans la description du podcast. Oui, on a tous les. D'ailleurs, on a tous les. Je tiens un jour la petite liste du podcast Movies Nerd sur Sens Critique, où il y a répertorié. Des fois, je rajoute 2 mois à la suite parce que j'ai oublié le mois d'avant. Mais bon. Mais bon c'est comme ça. Oui, voilà. on fait bien son boulot ou on le fait pas. Ça ne s'invente pas. Hein. On tient ses engagements ou pas. Mais de toute façon, vous savez que niveau planning, ici, c'est pas. Là, on chargé est non voilà pas du tout non pas du tout non pas de quoi vous parlez, non on n'est pas du genre à faire des podcasts de mois de mars le 22 avril mais oui il fallait de toute façon dire... dans la blogosphère tout le monde le dit, vous foutez rien, c'est ouais, ce qu'on dit tout le temps, okay, c'est vrai. Il fallait que ça sorte un jour. Et voilà, de toute façon on n'avait pas à le dire nous-mêmes, hein. Donc non mais voilà, du coup on se retrouve pour le podcast qui parlera des films du mois d'avril enfin mai. Enfin, mai début juin, voilà, hein, voilà, tout est parfaitement logique. Non, on essaiera de le faire assez rapidement, j'espère. Voilà, et ce sera le numéro 50 en plus. Donc en plus. Voilà. Tanguy 2, film du mois, à droite. Bien sûr. Ouais, Tanguy 2, film du mois, notez ça, ce sera ça. On parlera pas d'Avengers. Avengers, ça n'existe pas. On est français ou on n'est pas français? Voilà, c'est ça, il faut soutenir les petits producteurs locaux. C'est ça, absolument. Et low cost aussi. Low cost, plus low cost que locaux. Voilà, bon, on a tout dit. C'est toujours bien de finir sur une note positive. Quand je le disais au début du podcast, personne ne croyait. Je suis pas capable de faire ça, Eddie. C'est impossible. Voilà, donc on vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes les True Warriors si vous avez écouté jusqu'au bout. Et on vous dit à très bientôt pour le podcast Movies Nerd 50. Salut. Salut. Salut. sens pas trop humain, pas comme Hugo habité. Tiens, tu sens vidé. Oh, Dédé, Dédé, Dédé, deuxième degré, je suis effacé. T'en connais le cri côté animal, mais là, je connais le pied, le canon animal. Oh, Dédé.